Allez, c'est fini pour ce soir. Aïe. 01 42 48 58 là, c'est le numéro de téléphone pour passer tout le soir avec nous. N'hésitez pas, et vous pouvez aussi lâcher tous vos messages sur la page Facebook Love in Fun et sur Twitter hashtag Love in Fun. Merci encore pour cette belle soirée là qu'on a passée avec vous. On file le relais maintenant tout de suite à Mickaël. Oui. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Ça va bien. Bon, très ça bien. Va bien. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Oh bah écoute, plein de choses, plein de choses. Plein de choses, notamment le futur mec peut-être de Karima. Non. Non, je peux pas. J'ai fait une promesse. Ah merde. Ah, c'est qui? Jared Leto. Je l'ai offert à Lilou. Oh. Ouais. Attends, le chevelu là. Ouais. Qui est beau gosse, qui est beau gosse. Je peux venir? Non, je peux pas. Mais écoute, non, parce que là, t'as pas un truc comme la semaine dernière. T'as pas un repas, un verre. Tu me connais trop bien, hein, Mickaël. Toi-même, tu sais que je dois partir. Parce que la semaine dernière, pour Star Wars, tu nous as un petit peu abandonné comme des merdes. Attends, toi, tu m'invites pour Chewbacca et Jared Leto, que dalle. Eh ben voilà, tu vois, t'aurais accepté pour Chewbacca, tu serais venu pour Jared Leto. Purée, j'ai raté ma vie. Eh ben voilà, oui, je confirme, ouais. Bon, bah, bonne soirée à vous. Bah, merci beaucoup. Salut. Retour de Levin Fun demain à partir de 20h. Et puis nous, bah, c'est parti maintenant jusqu'à 2h du mat. Et bravo Paris, Karima. 4-0. Eh oui. Allez, c'est parti. Allez, ciao tout le monde. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe. Tu te marres tellement avec Mickaël No Limite que tu pourras jamais gagner. Aïe. Mickaël No Limite. 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde. Et oui, ce soir est un grand soir, puisque ce soir on reçoit Jared Leto, l'acteur et le chanteur notamment de 30 Seconds to Mars. Et puis aussi un ami, bien évidemment, un ami de la famille, hein. Oh oui, enfin, surtout à toi. Bah oui, bon, on verra bien tout à l'heure, hein, s'il se souvient encore. Bon, il est encore temps de prévenir vos potes, évidemment, et surtout vos copines. Il sera avec nous ce soir. D'ailleurs, je compte sur vous, hein, avec le hashtag Jared Leto chez Mickaël, que vous pouvez partager, bien entendu, et retweeter avec tout le monde pour que tout le monde soit au courant, évidemment. Jared Leto chez Mickaël, c'est donc ce soir, et donc c'est dans c'est sur Fun Radio, dans Mickaël No Limite. Ce soir aux alentours de minuit 15 à peu près, évidemment. Je vous préviendrai dès qu'il sera là. Voilà, comme tous les soirs de la semaine, on est là de 23h à 2h du lundi au jeudi, et puis le dimanche également de 20h à minuit. Et c'est avec vous qu'on fait de la radio. Eh oui, n'est-ce pas Romain qui est avec nous de Nantes? Comment ça va Romain? Ah, c'est moi, je m'appelle Romain, merde, j'avais oublié. Ça va Romain ou quoi? Ça va, oui, toi? Bon, très très bien. Romain qui appelle de Nantes, qui a 18 ans, et donc qu'on avait eu hier en toute fin d'émission. On n'a pas eu le temps de tout terminer avec toi. Mais en gros, tu nous appelais parce que t'étais en kiff sur une meuf qui était quand même relativement plus jeune que toi, c'est ça? Ouais, on va dire ça, oui. Voilà, t'as la radio allumée derrière toi, Romain? Non, parce que comme tu réponds avec un petit peu de retard, c'est pour ça que je pensais que c'était le cas. Donc on va parler des différences d'âge ce soir, surtout là une grosse, puisque lui a 18 et elle en a 13. Waouh. Voilà, donc reste avec nous pour faire comme lui et passer l'antenne de Fun. Eh bien vous faites le 01 42 48 5000, le 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis on parle de ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de tabou ici, hein. Sandro est en pleine forme. Oui, en pleine forme, oui, je suis perturbé dans mon standard. Oh là là. Si, je suis débordé, c'est une horreur. Toff également prêt pour rencontrer de nouveaux amis. T'as pas marre de me casser les couilles, espèce d'enculé. Voilà. On le rappelle d'ailleurs, hein, parce qu'il nous avait demandé, donc on va le rappeler aujourd'hui. Exactement, nous allons lui repasser un petit coup de fil. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance. Toi. Voilà, et puis on aura également Polo, complètement, qui s'est surpassé pour les Jeux Olympiques de Sochi dans Mickaël No Limite. Alors après le patinage de vitesse, le squeletton, la vidéo, je viens de la mettre là sur le Facebook de l'émission, vous pouvez aller la voir, facebook.com/mickaëlofficiel. La luge également ce soir, et attention, je participe. Wow. Oui, c'est normal, c'est une épreuve que je maîtrise, le snowboard freestyle. Ouais, freestyle, attention, ça va être tellement freestyle. Ouais, attention, tout est fait main. Juste une chose, c'était de la luge tractée. C'est moi qui ai inventé cette discipline. Oui. Voilà. Donc c'est à voir absolument, et attention, le snowboard, ça va être attention, une invention, enfin une conception polo. Elle est là. Du skateboard, on a piqué les chaussures de Toff, snowboard à tout en fait, c'est une création des mains de Polo, il faut le savoir. De main de maître, on vous fera les photos et on fera ça tout à l'heure évidemment. Les Jeux Olympiques, ce sera tout à l'heure en direct sur Fun Radio, les Jeux Olympiques de Sochi, donc la vidéo du squeletton est disponible sur le Facebook, allez voir facebook.com/mickaëlofficiel. On a également Damien avec nous de la Ciotat. Salut Damien. Salut Mickaël, ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Bon, très bien. Alors, Damien, on va se faire la colle avec toi pour que tu puisses peut-être repartir avec le smartphone Larcos 45 Platinium que tu vas pouvoir recevoir chez toi. Il est tout beau, il est magnifique, tu pourras faire plein de trucs avec, ça va être la folie totale. Allez, c'est parti. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Pour ça, c'est très simple. Tu vas donc poser une colle maintenant à tous les auditeurs de Fun qui sont en train de nous écouter. Et ce que tu vas espérer, c'est que personne ne trouve la bonne réponse. De cette manière, tu repartiras avec le smartphone qui vaut quand même 200 euros. Je tiens à le souligner quand même. Tu vas repartir avec ça. Et si jamais quelqu'un trouve la bonne réponse, à ce moment-là, c'est pas toi qui gagne, bien entendu. En tout cas, c'est pas ce que je te souhaite, évidemment. Vas-y, Damien, pour la colle, on t'écoute. Alors, mon premier est de l'argent. Oui. Mon deuxième est le contraire de pleurs. Qui suis-je ? Alors, mon premier est de l'argent, mon deuxième est le contraire de pleurs, qui suis-je ? C'est ça, Damien ? C'est ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Hein. Vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de la bonne réponse par SMS au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et dans quelques minutes, je vous mets également sur le Facebook de l'émission et bien la colle. Vous allez pouvoir comme ça la lire plus facilement et y répondre également facebook.com/MIKL officiel. Bon, t'as envie d'écouter un truc en particulier, Damien, ce soir ? Non, pas spécialement. Pas spécialement, David Guetta, ça branche. Allez, c'est voilà, parti. Ah bah David Guetta avec Shut Me Down, je te le mets dans quelques minutes. Il y aura aussi Fallwell avec Changes. Et toi Romain, t'as envie d'écouter un truc en particulier ? Moi non. Je suis plus rock alors. D'accord, ok, parce que moi en fait je connais, j'oublie mon prénom. Donc, si tu veux les titres, je vois pas trop. Il y aura aussi DJ Fresh avec DBDB Sound. Voilà, et puis je vous calerai aussi le son des Daft Punk avec Instant Crush. Et puis vous, si vous avez envie d'écouter un son particulier, n'hésitez pas à hashtag MIKL sur le Twitter de l'émission, vous demandez le son que vous voulez. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on va saluer Secret Key qui dit « Trop hâte d'entendre Jared Leto, merci à vous de nous faire profiter de ce moment. » Mais écoute, avec plaisir, j'espère que ce sera bien. Dédé qui dit qu'il va participer à l'épreuve de snowboard, ça va être freestyle. Les gamelles vont être freestyle également. T'inquiète, Dédé. Hugo Rio qui dit « À la douce voix de MIKL, ça fait du bien d'entendre toute la team. » Merci Hugo Rio. Et Benji Spears sur le Twitter qui dit « C'est parti pour MIKL avec toute la team. Let's go !» Céline également qui vient de débarquer. Hello toute la team, désolé pour le retard. Oh, ça va, on vient de commencer Céline, t'inquiète pas, tout va bien. Bon, est-ce que vous êtes blagueurs Romain et Damien, vous connaissez des bonnes blagues ou pas ? Pas trop non. Pas des trop. Bonnes, non. Ah, des bonnes non. Ça tombe bien parce qu'on va parler de mauvaises. C'est une blague sur la blague carambar de Michael Schumacher, vous avez pas entendu ? Non. Non, bon, alors c'est quel légume va très vite et rigole dans les virages ? Enfin, si vous trouvez pas, si vous êtes vraiment, vraiment mauvais, je vous ai donné la réponse il y a 30 secondes là. Non. Donc quel légume va très vite et rigole dans les virages ? Le chou marreur. Alors évidemment, vu l'état de Michael Schumacher, évidemment, la blague ne place plus très bien, elle a été retirée des carambars. Mais du coup, je me suis dit que si vous aviez des bonnes blagues à la con comme ça, style carambar, on pourrait éventuellement les partager de manière à aider carambar à remplacer sa blague. Toff en avait une là. Toff en avait une. C'est sa spécialité pendant 2-3 mois. Je pense qu'il l'a oublié, non ? Ah oui, complètement. C'était quoi ? Je suis plié. Ah oui, pardon, est-ce que vous connaissez l'histoire de la chaise ? Non. Est-ce que vous connaissez ? Si, c'est ça, est-ce que vous connaissez l'histoire de la chaise ? Elle est pliante. Voilà. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié, c'est vrai. Putain, pourtant, tu l'as répété 100 fois. Hein. Ouais, mais j'ai un bouquin dans le bureau, je vais aller chercher. Ah, génial, quelle bonne nouvelle. Non, si, je vais chercher mon bouquin. Ah, génial. Bon, allez-y les autres avec le hashtag MIKL, balancez les bonnes vannes sur le Twitter et sur le Facebook de l'émission. facebook.com/MIKL officiel. Bon, Romain, on va parler avec toi dans quelques minutes. Oui. Donc tu tapes une meuf qui est quand même beaucoup plus jeune que toi. Et dans l'idée, parce qu'on t'avait eu hier soir, c'était quoi le problème ? Il y avait un problème ou pas ? Je me souviens plus. Tu dois réfléchir déjà. À savoir s'il y a un problème. Donc c'est qu'il n'y en a pas techniquement. Autour de moi, il y a des gens qui disent qu'il y a un problème, d'autres qui disent qu'il n'y en a pas. D'accord, ok. Alors Romain, il va falloir faire quelque chose parce que c'est bizarre qu'à chaque fois que je te parle, tu mets une seconde. J'ai l'impression que tu te retrouves à l'autre bout du monde, à Hawaï, et tu sais qu'il y a un retard. Allô, alors que... Ah ouais, non, mais ça s'entend pas comme ça, ouais. Je me doute bien que t'es là. Mais bon, on va essayer de voir si t'as pas la radio quand même allumée derrière, ou genre le retour internet, une connerie comme ça. Reste avec nous Romain, il y a Valia qui voulait réagir dans quelques minutes également. T'es déjà là Valia ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Valia. Bonjour, tu vas pas bouger ? Tu vas pas bouger Valia ? Non, je ne bouge pas. Très bien, on va parler des différences d'âge avec Romain qui a 18 ans et qui se tape une meuf de 13, qui est quand même assez improbable. Et puis on écoute David Guetta. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 02-01-42-48-5000. MIKL, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, c'est parti pour David Guetta. Maintenant, on est au cœur d'une heure sans pub. Surpay, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas du tout au cœur d'une heure sans pub. Et d'ailleurs, on va. Ah oui, j'ai tellement l'habitude. On va se mettre David Guetta, mais alors juste après la pub. Désolé pour ceux à qui je donnais un peu d'espoir. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Rassurez-vous, ça arrive juste après la pub. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, 23h11, je vous ai dit, c'était très rapide. Il y aura Romain la suite avec Valia également pour parler des différences d'âge, la colle de Damien qui va revenir dans quelques minutes. Et puis bah vous en direct avec Thomas qui a envoyé un petit message, la Black Carambar. Charlotte regarde un millefeuille qui coûte 4€. Elle rentre et dit à la boulangère, je voudrais 500 feuilles parce que je n'ai que 2€. Voilà. Ça t'en veux une? Non, on va chercher mon livre. Tout de suite, on a déjà Thomas là. Et la friterie Alba, Charleroi qui dit off, tu as oublié, paf le chien. Oui, bon, on va pas toutes les faire non plus. Hein. Donc, allez, j'en ai des meilleurs. Ouais, mais attends, chaque chose s'entend. Vous n'hésitez pas, vous balancez tout ça maintenant par le Twitter de l'émission. Vous mettez le hashtag Mickaël. Et puis, n'oubliez pas également de partager avec vos potes. Hein, Jared Leto chez Mickaël en hashtag. Je compte sur vous sur le Twitter de l'émission et sur Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. Nouveau David Guetta maintenant, c'est Shut Me Down sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. I was five and he was six. Le son de David Guetta avec Shut Me Down sur Fun. Please call again. Mickaël. No limit. Tous les soirs, 23h, 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Et toujours en direct, et bah oui, 23h15 sur Fun Radio, c'est parti maintenant avec tout à l'heure le jeu de la rupture. Si vous voulez jouer avec nous, le principe est très simple, on appelle des gens au hasard, faut avoir une discussion de rupture. Celui qui tient le plus longtemps, vous êtes deux auditeurs à jouer, celui des deux qui tient le plus longtemps, et bien repartira avec ce soir le haut-parleur Bluetooth Sonybox. Je vous ai fait la photo tout à l'heure, vous pouvez le voir sur le Facebook de l'émission, le Twitter et également sur l'Instagram, donc tapez Mickaël officiel pour voir tout ça. On parlait des blagues à la con également avec Romain qui dit blague de merde, il y a un crocodile et un chien dans la rue, crocodile au chien. Sale sac à puce, le chien lui dit sac à main. Ouais, Romain, vous êtes surpassé là quand même. Hugo Réo qui dit quel est le sport le plus fruité? La boxe, on te met une pêche, tu tombes dans les abricots, tu ramènes pâte à fraise et on te suce la banane. D'accord, ok Hugo Réo, tu portes bien ton dentôt en même temps. Et DJ Broubru sur le Twitter qui dit un retour sur Fun avec Mickaël, il y avait longtemps. Au passage, big up à MC Laurent, j'imagine, qui nous a mis le feu ce soir. Eh bah ouais, DJ Bobru, merci à toi d'être là. Et à Bibi également qui dit pourquoi les vaches ont des gros yeux? Tu verras quand tu te feras enculer par un taureau. Très bien. Bon, bah continuez. Je suis pas sûr que ce genre de van aille chez Carambar. Non, c'est un peu trop tendu pour eux. C'est peut-être un petit peu trop tendu, mais bon, on verra. Si vous en avez d'autres, allez-y. Hashtag et Mickaël. N'oubliez pas qu'on reçoit également Jared Leto, ce sera tout à l'heure. Et puis, une petite idée pour les appels de Toff. Oui. On dit souvent que les filles préfèrent les hommes avec des grosses bites. Oui, c'est ouais. Ce qu'on dit. Eh bien, j'ai une étude qui dit enfin la vérité sur ce que pensent les filles des gros sexes. Alors, pour la pénétration vaginale, c'est mieux parce qu'il y a plus de chances de stimuler le point G. Mais il y a aussi des risques de douleur après le rapport. Et puis, si le vagin n'est pas habitué, forcément, ça peut faire mal. Pour la pipe, par contre, c'est plus compliqué puisque surtout s'il a une petite bouche, évidemment. Si la fille n'est pas experte, ça peut vite devenir une catastrophe. C'est sûr. Voilà, bon, Toff n'a jamais vécu ça, mais au moins, non, comme ça, les autres, ils le savent. Ça glisse entre les dents, donc ça fait que. Voilà, c'est ça. Et le pire, c'est pour la sodomie, évidemment, puisque même si elle a déjà essayé et qu'elle aime ça, un sexe trop grand risque de faire très mal. Moralité, mieux vaut un petit. Oui. Parce qu'au final, ça fait chier tout le monde. Hein. Quand on voit tous les points, là, ça emmerde tout le monde. N'est-ce pas, Valia? Oui, je suis là, Mickaël. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Bah, moi, je préfère que tu coupes la radio, Valia. Oui, j'ai coupé la radio. Ah, voilà. Donc, qu'est-ce que tu préfères, alors, toi? C'est-à-dire? T'as rien écouté de ce que je viens de dire? Si, j'ai tout écouté, mais c'est perso, quoi. Bon, c'est perso, Valia, t'es sérieuse, là? Mais Jean, on te connaît et on va aller manger avec toi demain. De quoi? Jean, on te connaît et on va aller manger avec toi demain, tu peux nous le dire? Ouais, bah alors si vous mangez avec moi demain, je vous le dirai demain, alors. Bon, bah alors tu préfères les grosses ou les petites? Ah, je préfère les grosses, hein. Bon, bah voilà, et ben tu vois, Valia, c'est ce qu'on voulait savoir. Bon, voilà. Du coup, j'ai une bonne idée pour Toff, éventuellement, qu'il appelle des gens pour poser la question de savoir ce que les gens préfèrent. Bah, je suis sûr que ça va bien passer. Mais très certainement, ça va passer crème, comme d'habitude. Bien sûr, en plus, on va rappeler mon ami qui aime bien me faire des trucs bizarres. Ah oui, bah celui-là, tiens. T'as pas marre de me casser les couilles, espèce d'enculé. Voilà, lui-même. Mais oui, on va le rappeler tout à l'heure, donc... Soyez patient, ça va débarquer dans quelques minutes. Donc on va appeler les gens dans quelques minutes également avec Tof. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, n'hésitez pas sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon, avant de faire le jeu de la rupture, donc Romain le retour qui a 18 ans, sa meuf a 13 ans, forcément autour de lui, il y en a qui s'en foutent et puis il y en a qui trouvent ça un petit peu déplacé, c'est ça au final. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, et donc du coup, il y a Valia qui est avec nous également, de Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe, justement. Alors Valia, c'est quoi ton avis là-dessus, toi? Bah écoute, moi je serais bien mal placé pour dire ce qu'il doit faire ou pas. Certes, ça fait, je pense que ça fait plus un drôle d'effet parce qu'elle est vraiment, vraiment jeune, mais bon, ça peut durer. Ça peut durer, moi ça fait 10 ans. Ouais, mais quelle a différence? Ouais, mais d'accord, mais t'es sorti avec ton mec, quel âge il a déjà aujourd'hui? Alors il avait 16 ans quand j'ai connu, 15 ans et demi. 15 ans et demi? Ah, et t'as quel âge? Et maintenant, il en a 24. Et toi, t'as quel âge? Et moi, j'ai 54 ans. Oh, oh, c'est sale. Le top, hein. Ah bah, pour toi, oui, mais pour lui, lui aussi, hein. Ah bah non, mais il va vite se rendre compte qu'à un moment, 54 ans, quand même, c'est chaud, hein. Non, si. Attends, mais quand on a 24, je peux dire que 54, c'est tendu. Enfin, non, justement. Ah non, ça n'est pas tendu, c'est mieux. Mais enfin, mais... Valia... Tu peux être sa mère. De quoi tu dis, oui, Romain? Ça pourrait être ta mère. Ça pourrait être ta mère. Même la grand-mère, hein, si on pousse. Oh, je suis grand-mère. Ouais, il faut pousser alors. Mais du coup, ton fils, il a quel âge ou ta fille, à quel âge? Alors, mon, le plus grand de mes fils a 34 ans. Donc, tu sors avec un mec qui est plus jeune que ton fils? C'est et bon, le meilleur ça. Ami qui était le meilleur ami de mon fils. Oh là là là là là. Donc tu te tapes le meilleur ami de ton fils depuis 10 ans. Tout à fait. Voilà, tout à fait. On est mariés quand même. Hein. Ouais, bon, maintenant vous êtes mariés. On a une histoire derrière nous. Hein. Ouais. Putain. On est toujours ensemble. Tu vois, je suis sur la route. Là. Je suis en camion avec lui. Ah, parce que vous êtes camionneur. D'accord. Ouais, c'est chauffeur, ouais. Ok, bah passe-le-nous deux secondes là. Oh, ok. Comment il s'appelle? Ah, il s'appelle pas. Allez. Très bien. Allô? Allô? Allô, comment ça va le camionneur? Ça va et toi? Bah écoute, plutôt pas mal, hein. Comment tu t'appelles? Alexis. Bon, alors comment ça se passe, Alexis, là? Elle t'a forcé? Tu peux nous le dire, hein, n'hésite pas. Hein. Tu peux dire il fait beau, si jamais c'est le cas, on appellera les flics. On va dire qu'elle a pas forcé du tout, on va dire que c'est moi qui a forcé la chose. Ah, c'est toi qui a forcé? Mais pourquoi? Bah parce qu'elle est magnifique, c'est tout. Ouais, non, à l'époque peut-être, mais là aujourd'hui, tu sais, il y a un moment, faut changer, quoi. Belle. De quoi? Elle est toujours aussi belle. Non mais d'accord, mais alors revenons à un truc un peu plus... Bon, tu sais que quand t'aura par exemple 44 ans, elle en aura 74. Voilà, tout à fait. Mais on a déjà réfléchi à tout ça. Ah ouais, ouais. Bon, c'est positif, parce que ça te permet d'avoir une deuxième vie, quoi. Non mais tu sais à l'avance que t'en auras une deuxième. Ouais, voilà. Ouais. Non, faut voyons le côté positif. Hein. Et puis quand elle aura Alzheimer, tu pourras lui faire semblant de tu vois, d'avoir une autre copine. Ouais, voilà, ouais, par exemple. C'est pour rire. Ouais. Non, mais je suis très bien. Ouais. Bon, écoute, tant mieux. Hein, et au final, Romain, toi, tu passes pour un rigolo. Entre 13 et 18, finalement, la différence d'âge est infime. Même oui, si 13 ans, sûr. Tu sais que c'est pas légal. Hein. Ouais, mais tant qu'on fait rien, il n'y a pas de problème en principe. Tant qu'on quoi? Ah, tant que vous faites rien? Oui, non, dans l'absolu, effectivement, ouais. Effectivement. Bah, elle doit être contente. Hein. T'as une voiture et tout? Presque. Bah auprès de ses copines, ça va être la fête à la saucisse. Hein. Oh. Ouais, t'as vu, moi je sors avec un vieux. Ah bah ouais. Et ses parents, ils disent rien parce que bon, 13 ans, c'est quand même tendu. Disons qu'ils sont pas encore au courant. Ah, d'accord, ok. Et t'es conscient que ça va gueuler là? Oui, je pense. Mais oui. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à une femme ou à une enfant? Parce que 13 ans. Bah, vu qu'elle a 14 ans dans un mois. Ça va, non, mais si elle a 14 ans dans un mois, ça change toute la donne. On l'avait pas vu comme ça, mais maintenant ouais, tu nous le mets comme ça, d'accord. Mais alors du coup, elle ressemble à quoi? Bah, elle fait 15 ans. Elle fait son poids, et... 15 ans. Elle fait 15 ans. Non, ça va, si elle a 14 ans dans un mois et qu'elle fait 15 ans, alors... Elle fait du 90A. Non, moins A, c'est qu'à ce moment-là, ils lui doivent. 20 kilos. Eh, mais c'est une horreur. Je t'interdis, tu arrêtes ça tout de suite. Sinon, je viens. T'inquiète pas, ses parents vont le faire. Mais qui est au courant, là, maintenant? Juste les potes? Oui. D'accord, bon, ok, écoute. Et quand tu vas dans des endroits, on dit pas ah vous avez emmené votre petite soeur ou votre. Ah c'est votre enfant? Non, non. Jamais. Il peut aller nulle part à la 13 ans. Ah oui, tu peux rien aller faire. Tu peux pas aller dans un bar, tu peux même aller dans aussi. Une boîte, tu peux aller nulle part. Bah, t'imagines au cinéma, vous avez la carte d'identité tout, hein. Non mais c'est ça, et film interdit au moins de 16 ans, tu peux pas rentrer hein. Bah je prends sa place pour elle et tu y viens, voilà. D'accord, non, écoute, pourquoi pas, hein. T'as l'autorisation des parents, tout ça, si jamais tu quittes le pays, faut voir tout ça, c'est vrai en plus. Hein. Bah dites-nous, tiens, avec qui vous êtes déjà sorti, mais quelle est la plus grande différence d'âge avec la personne avec qui vous êtes sorti, Tof? 10 ans. Ouais, 10 ans. 10 ans. Ouais. Ouais, 10 de ans. Plus ou moins De moins que moi. Quand? Oh, il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Non, donc, 23 ans. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. 23 ans, Polo. Attends. Il y a très longtemps, quand ouais. j'étais jeune. Ouais, oh là là. Oh, il y avait un peu plus de 10 ans, mais je voulais pas. Elle était trop vieille à l'époque. Genre, pour il moi. S'est fait agresser. Non, mais elle Polo me plaisait a été pas. Violé par une femme. Non, elle me plaisait pas. En fait, elle me plaisait pas trop. En fait, tu sais, moi, je suis un peu bizarre sur oui, sur ça, elle était sortie avec une meuf bien. Qui te plaisait pas. Wow. Bah, si, elle me plaisait sans me plaire. D'accord, bon, on va pas insister. J'ai, parce pas, que... j'ai pas insisté. Voilà, il y a plein de fois comme ça, je pose des questions et après, je sais que je devais pas le faire, mais bon. Pourquoi bon, non, pour rien, je sais pas. Non, je lui ai mis un doigt dans la. Non, merci, Polo. Une fois que t'avais les doigts dedans, tu t'es dit, bah, t'étais pris dans l'engrenage. Voilà, j'étais pris dans l'engrenage. Bon, et ben Valia, merci à toi d'être passé en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Hein. Valia. Ok, d'accord. Oui, oui, ah, oui. Voilà. J'imagine bien. Bah, merci Valia, tu reviens quand tu veux. À bientôt Valia. Ok, Mickaël, est-ce que je peux passer une petite dédicace, s'il te plaît? Eh ben, vas-y, profites-en. À une alors, personne, choisis la bonne. Oui. Alors, à ma petite belle-sœur que j'aime énormément. Très bien. Manuela. Et qu'est-ce que t'as pas compris dans une personne, Valia? Manuela. Ouais, bah voilà, mais t'as fait l'autre avant, donc bon. Et qu'est-ce que tu voulais? Un pack fun. Un pack fun, ben on va t'envoyer ça, y'a pas de problème. Ça marche. Okay. Salut à toi, merci. Valia, à bientôt. Merci. Ciao. Salut, et faites péter le klaxon là pour voir là. Fais péter le klaxon. Pas mal, très bien. Bon, salut Valia, à vous. Salut, bye bye. Salut. Ciao. Salut. Bon, et ben Romain, écoute, au final, t'en as rien à foutre de la vie des autres, hein. Tu fais comme tu veux, si t'es content avec elle et qu'elle est contente avec toi, bah tranquille. Mais bon, il y a un moment quand les parents vont le savoir, je pense que ça risque de faire un petit couac. Bah après c'est que je connais sa famille depuis un petit moment. Bah justement, alors, bah raison de plus, ça risque de faire vraiment un petit couac. Mais bon après, comme tu veux hein. Oui. À toi de voir quoi, tu nous tiendras au jus. Bon, ça marche. Okay. Salut Romain, à bientôt. Salut. Allez, ciao à toi. On va se faire la colle avec Damien dans quelques minutes. Il y aura le jeu de la rupture. Si vous voulez participer au jeu de la rupture, bah appelez-nous maintenant hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Alors attention, ça y est, il y a également quelques vannes qui sont arrivées. Il y a la petite fée d'abord avant les vannes qui dit j'ai un pote de 20 ans, il sort avec une meuf de 54 ans. Perso, ça me choque quand il me l'a dit. Bah tu m'étonnes. Christophe également sur le Facebook, il dit coucou l'équipe. Moi, je suis sorti avec une femme qui avait 20 ans de plus que moi, mais si ma fille vient me voir à 13 ans en me disant que son mec en a 18, le gars a intérêt de quitter le pays. Bah tu m'étonnes Christophe. Tommy qui dit ça c'est pour les vannes. Un arbre dit un autre arbre. Hey, je vais en soirée, ça te branche? Oh là là, Tommy, putain. Mathieu qui dit c'est moi qui ai inventé cette blague. Quel est le fruit rouge le plus transparent? La baie vitrée. Oh là là. Ah, putain. Et en plus il est fier, hein. Il l'a inventé, il est content. Brice qui dit dans le genre carambar, j'ai raconté une blague ce matin à mon armoire, le linge était plié. Oh, ça se rapproche de la chaise pliante de Toff. Et puis Thomas qui dit comme j'ai toujours et comme je dis toujours, avoir une énorme bite, c'est comme rentrer un 35 tonnes dans une porte de maison, c'est pas facile. Et effectivement Thomas, tu l'avais déjà dit hier. Toff? Oui. Bah ton livre de merde là, bah, on speed. Alors qu'est-ce qu'un taureau? Je sens que ça va être dur. Oui, ça va être très dur. Alors, qu'est-ce qu'un taureau avec un string? Je sais pas. Une vache folle. Oh putain. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on va revenir dans quelques minutes sur Fun Radio avec les appels de Toff, avec le jeu de la rupture juste après Fallwad maintenant. C'est Changes sur Fun Radio. Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle. Ils auraient été exécutés, car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et on va continuer les blagues tout à l'heure. Hein. Si jamais vous en avez des blagues dignes du carambar, évidemment, n'hésitez pas. Je vous ai mis le post sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. Vous allez en balancer. Sur le Twitter également avec le hashtag Mickaël, comme Dorian qui dit, moi comme blague, j'ai... Pourquoi les souris n'aiment pas les devinettes? Parce qu'il faut donner sa langue au chat. Bien vu, Dorian. Quentin qui dit, quel est le point commun entre un boucher et Rocco Siffredi? Une idée? Un boucher et Rocco Siffredi? Non. Les deux disent, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Oh là, Quentin, là. Bon, allez-y les autres, hein, on va en lire encore évidemment tout à l'heure. Bon, on va faire les appels maintenant avec Toff, hein, la grande question du soir évidemment. Donc, est-ce que les filles préfèrent les grosses ou les petites? Voilà, enfin... qu'est-ce qu'ils pensent des grosses bites en fait. Oui, en enfin, gros, qu'est-ce qu'elles pensent puisqu'on s'en est rendu compte tout à l'heure dans un grand dans une grande enquête hein, que nous avons trouvée sur internet, que apparemment finalement la grosse bite fait chier, fait mal, est gênante, encombrante, etc., etc. Bon, on y va, on appelle le même que la semaine dernière, la semaine dernière, c'était lui. T'as pas marre de me casser les couilles, espèce d'incurie. Voilà, il était motivé à fond, c'était une folie totale. Un homme charmant. Bah oui, on avait dit qu'on le rappellerait, donc je me suis dit que tant qu'à faire, autant l'appeler pour ce soir, pour cette question-là. Je sens qu'il allait être au taquet. On l'appelle ? Bien sûr. Allez, c'est parti. On y va. On l'appelle maintenant en direct sur Fun Radio, 23h31. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Ah, ferme ta grande gueule toi là. Ah bah non monsieur. Casse les couilles. Ah non monsieur, enfin pourquoi vous me dites ça, je vous ai même pas. Mais ferme ta gueule putain, tu me gaves là. Bah oui mais c'est vous qui m'avez demandé de vous rappeler monsieur. Mais ta gueule, ta mère elle se faisait encore enculer qu'elle était enceinte de toi gros bâtard. Oui d'accord mais t'as compris là. Oui mais c'est vous qui m'avez demandé de vous appeler monsieur. Ce bâtard, ta gueule, ferme ta gueule ok, ferme ta grande gueule, tu me gaves là, tu me gaves, tu as compris. Ah non enfin monsieur. Ta gueule. Oh non. Ah si si, il est parti. Ah il était motivé hein. Ah, bah, comme toujours, il est toujours aussi charmant. On a bien fait de le rappeler hein. Bon on le rappelle, attention c'est parti. Je sens qu'on va, faire bien là. Puis après on aura le jeu de la rupture juste après. Tu dois me casser les couilles non. Mais non mais c'est vous monsieur, je vous ai même pas le temps de vous poser la question. Pourquoi mais je vous... Ferme ta gueule, mais tu m'emmerdes là. Bah pas du tout monsieur, enfin. T'es vraiment un fils de bâtard toi non. Bah non, attendez, c'est vous qui m'avez dit de vous rappeler. Quand ça, vas-y dis-moi quand ça connaît ta mère. Bah, la dernière fois que je vous ai appelé, vous m'avez demandé de vous rappeler. Eh bah, ben va te faire bien enculer, d'accord. Va te faire enculer fils de chien, d'accord. Bah oui mais enfin okay, pourquoi. Ok, tu as compris. Oui j'ai compris, mais pourquoi vous me demandez de vous rappeler. Mais ta gueule alors, ta gueule, ferme ta gueule, moi je t'ai rien demandé du tout, d'accord. Ah si, si, la dernière fois qu'on s'est appelé, vous m'avez dit de vous rappeler. Comment ça, je t'ai dit quoi. Bah vous m'avez dit on se rappelle, alors du coup je vous rappelle. Non, c'est toi qui m'as dit, ouais, je te rappelle. Moi, je t'ai dit, va te faire enculer. Tu as compris ? Non, vous m'avez dit oui. Va te faire sodomiser, d'accord ? Par un cheval, gros bâtard. Oh non ! Je te tarasse. Oh non ! Pas le cheval. Ah si si. Bon attends, on va le rappeler encore un coup, il avait l'air au taquet hein. Le cheval quand même. Ouais non bah le cheval ouais c'est violent. Oh, ouais. Il est bon. Bah, attends on le rappelle. Quelle violence. Oh c'est clair. Allez. Qu'est-ce que je vais faire de toi, hein. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que je vais faire de toi, là. Bah, oh, hein, qu'est-ce que tu cherches. Bah, moi, je cherche rien, je vous appelle. Ah, m'emmerder. Ah non. Mais non, j'avais juste une question à vous poser. Vas-y, envoie ta question à 2 francs, là, vas-y. Je voulais savoir ce que votre femme, elle pensait des grosses bites. Va niquer ta mère, tu as compris. Oui, je... Va niquer ta mère. Oui, je sais, vous arrêtez pas de me le dire. D'accord. Oui. Elle aime les bons casques militaires, d'accord. C'est ce que je vais te mettre dans ton cul, d'accord. Oui, je sais, vous me l'avez déjà promis. Ouais bah viens tu es où. Vas-y dis-moi tu es où là. Tu es où, tu habites où toi. Moi je suis à Paris. En plus t'es un parisien, fils de bâtard de mort là. Je t'enculé, sale parisien de merde. Hein. Sale parisien va niquer ta mère, fils de pute. Hein. Fils de chien galeux que tu es. Hein. Ta mère elle était encore enceinte de toi qu'elle se faisait enculer gros bâtard. Pédé d'enculé. Fils de pute. Je t'emmerde moi, je t'encule bâtard de terrasse là. Ça te va là comme ça. Ouais, c'est un peu violent quand même tout ça monsieur. Violent de quoi. Bah tu le cherches enculé. Ah non. Tu le cherches, tu me cherches, tu me trouves gros pédé là. Mais pas du tout. Tu crois que quoi toi. Tu crois que les saucissons aux olives, ils poussent directement sur les oliviers. Hein. J'ai pas compris monsieur. Gros bâtard. Pédé là, va te faire enculer là. Oui mais j'ai pas compris le truc avec les olives. Ah bah il a raccroché de nouveau. Ah oui mais attends, t'as pris cher là hein. Non mais faut le rappeler, j'ai pas compris son truc avec les olives. Ah tu veux qu'on le rappelle pour les olives. Bah, attends, oui. On va le rappeler en speed alors, hop là. On le rappelle, on fera le jeu de la rupture juste après là, bougez pas hein. Puis on parlera encore de la différence d'âge après aussi. Il y a Manu qui dit la violence du mec. Ah oui c'est clair. Putain t'en as pas marre hein. Non mais c'est juste que j'ai pas compris le truc avec les olives. Oh franchement tu m'excites là, tu m'énerves là, tu me rends dingue là. Mais non, mais je veux juste pour que vous m'expliquiez pour les olives. Les olives. Oui, parce que j'ai pas compris. Eh ben, les olives, je vais te les mettre dans ton cul avec le saucisson, espèce d'inculé. Hein. Ah d'accord, c'était ça qu'il fallait... Tu les aimes, toi, les olives, hein, avec le saucisson. Oui, hein. j'aime ça. Mais tu as pas compris, tu es pas du sud, tu peux pas comprendre l'espèce de trou du cul que tu es. Ah oui, quand d'accord. T'es un gros trou du cul, là. tu fais pitié, mais elle m'a appelé comme ça, là. D'accord. Hein, avec ta voix d'homosexuel, là. Hein. C'est vrai, j'avais oublié. Franchement. En plus, parisien, franchement, toi, t'as rien pour toi, hein. Putain. Franchement. Non, je sais. Bon. Voilà, c'est bon, t'as fini, hein. Bah oui, hein, on se rappelle. Ouais, je vais te faire... De quoi? Non. Je me demandais si on se rappelait. Va niquer ta mère, tu as compris? Oui, j'ai compris, oui. Je vais te sodomiser, toi. Je vais te casser les reins. D'accord? Le coccyx, tout. Je vais tout te casser. Je vais te casser en deux. Tu as compris? Le coccyx, tout. Tout. Je vais te démembrer, hein, bâtard. Fils de bâtard que tu es. Tu es un gros bâtard. Hein? Tu crois qu'elle t'a tapé à la batte de baseball, ta mère, dans ton garçon, hein? Pour être con comme ça. Hein? Pour pitié, allez, va, file, va. Bon, ah, on va en rester là. Hein. Il était grandiose. Oh, ouais, mais on va en rester là. Oh oui. Oui, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Pour la sécurité de tout le monde, je pense que c'est plus sage. Oui, je pense que les horaires dites de ma mère ont assez sifflé. Ah ouais, là, je pense. On salue Maryse. Hein. Oui. Évidemment, voilà. Évidemment. Il y a Laurent qui dit aussi, putain, qui a le nerf. Attends, c'est quoi? Ah non, ça c'était une blague. On va aller dans quelques minutes là. La violence du mec. Il y a Manu qui avait envoyé le message. Il y a Walnis qui dit, putain, il rage le mec là. Enculé, tu me gaffes 5 fois 8 dans ta gueule. Va te faire sodomiser par un cheval. Habib également qui dit, Tof, il a les amis charmants, très sympas, aimables. Ah bah oui, ça c'est une certitude, hein. Là on l'a bien vu encore une fois là. Le mec trop cool. Et puis putain c'est énorme, je suis plié de rire. Je vais te sodomiser, Tof. Ah bah y'en a d'autres qui sont intéressés apparemment. Ouais, je vois ça. Ah bah bonne nouvelle, plutôt une bonne nouvelle. Bon, avant de continuer à parler de la différence d'âge avec Tony et JC, vous êtes là tous les deux là? Ouais, salut. Vous avez entendu, il avait l'air charmant le mec du sud là, hein. Ah, ah putain, tranquille là, si vous êtes... Ah ouais, il doit avoir une grosse lui, non? Ah bah lui il doit en avoir une très très grosse, ouais. D'ailleurs si jamais vous connaissez des gens comme lui assez nerveux, n'hésitez pas bien entendu à transmettre le numéro de téléphone de ces personnes là sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On les appellera avec plaisir dans même pas une heure. Tony et JC, restez là, on va parler de la différence d'âge dans quelques minutes. Mais avant cela on va se faire le jeu avec Ignace. On va faire le jeu avec Dylan également, ça va tous les deux? Salut Mika. Salut Ignace, ouais. Salut Dylan, Ignace de Saint-Etienne, ouais. Et Dylan de Sedan. Ouais. Très bien, bienvenue à vous deux. On va se faire le jeu de la rupture les mecs, vous connaissez le principe? Ouais. Parfait, ouais, bon je vais quand même le rappeler pour les nouveaux auditeurs qui débarquent. Tous les mardis on fait ça, le jeu de la rupture. Le principe est très simple. Il y a en l'occurrence là Ignace et Dylan qui sont tous les deux au standard. Et le but c'est qu'on appelle des gens totalement au hasard, hein. Que ce soit clair, c'est totalement au hasard. Et donc le but c'est d'arriver à leur avoir une petite discussion de rupture. Comme si vous quittiez votre copain ou votre copine en fait, tout simplement. Et peu importe si c'est un garçon, une fille qui décroche, si c'est un vieux, un jeune, on s'en fout, d'accord? Le but, ouais, tenir le plus longtemps possible. Ça va, ouais, bien se passer. Ça va être chaud. Qui veut commencer, Ignace ou Dylan? N'importe. Bon, bah on va commencer par Ignace alors. Allez hop, c'est parti. Allez. On y va. Bonne chance, Ignace. C'est parti, merci, on appelle. Merci. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu démarres. Celui qui tient le plus longtemps gagne. C'est parti. Ça marche. Bonne chance, Ignace. Merci. Allez, c'était Saint-Etienne. Allez, les verts. Et allez, les verts. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oh, il t'a raccroché. Ah oui, bravo, là. Ça, bravo. Putain, c'était rapide, là. Ah, ça a été plus que rapide. Ah ouais, bah attends, on va rappeler un autre, on va rappeler un autre. De toute façon, il avait un téléphone de merde, ça s'entendait depuis le début. Allez, vas-y, Ignace, bonne chance, on y va. Merci. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi de te déranger, j'ai juste pour 2 minutes. Faudrait que je te parle. Enfin, je te dérange ou pas? Je sais pas qui vous êtes. Bah, je vais juste te dire quelque chose et après je te raccrochera. En fait, j'ai décidé d'arrêter la relation que j'ai avec toi parce que j'ai retrouvé quelqu'un d'autre, hein. Donc voilà, ça te dérange pas? Je crois que vous vous trompez de personne. Non, je me trompe pas. Franchement, je me trompe pas. Regarde, ne raccroche pas, je vais t'expliquer. C'est pas mauvais, hein. Moi que je l'ai rencontré et voilà, elle me plaît et je suis désolé, j'étais trompé avec elle. Je l'ai baisé et voilà, je suis désolé, hein. Normal. Ça te dérange ou pas? Mais n'importe, enfin, ça me fait rire parce que franchement, je suis sûre que tu te trompes de personne. Non, ne rigole pas, je ne me trompe pas. Je l'ai quitté, enfin, je vais te quitter pour elle. Ça s'est passé, c'était une nuit de folie avec elle par rapport à toi au lit. Il y a une différence quand même, hein. C'est fini, donc je te quitte, voilà, je te l'annonce, c'est terminé entre toi et moi. ne rigole pas, moi je suis triste de te quitter, mais je te quitte, c'est fini. Ça fait marrer. Non mais attends, pourquoi tu rigoles? Mais depuis tout à l'heure, je t'explique. Moi, je m'appelle Gaëlle. Mais c'est pas marrant. Comment tu t'appelles? Gaëlle. Oui, Gaël, bah c'est toi que je quitte, Gaël. Je te quitte, voilà, en direct, c'est fini. Toi et moi, c'est terminé, voilà. Moi, maintenant, je vais me mettre avec Sophie, voilà. C'est fini. Voilà, c'est terminé. Mais ne rigole pas. Comment tu peux rigoler? C'est quoi ce rire? C'est terminé. Notre relation, elle est finie. Moi, je sais. Moi, je me taille. Je prends mes affaires et je pars. Excusez-moi, mais... Tu prends les enfants et tu dégages. Mon mari. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Elle est folle, elle. Ouais, bon, une minute cinquante, Ignace. Eh, pas mal, hein. Non, c'était bon, c'était bon. Ah, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Non, t'as fait du bon boulot, Ignace. Dylan, merci. La barre est haute. Ouais, bah ouais, je gère, là. Ah, la barre est haute, très très haute, hein. Si au premier coup, c'est 1 minute 50, mais il va falloir y aller, hein. Bon, on y va. Dylan, à ton tour, on y va, on appelle dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Ça marche. Et ça démarre. Allez. Bon, si ça décroche, évidemment. Allez. Merde, tant pis, on appelle un autre. Allô. Merde, je vais raccrocher. Allô. Non, c'est ma faute. Au moment où il a décroché, j'ai raccroché. Je pensais qu'il allait pas décrocher. C'est pas grave, on appelle un autre. Attends, c'est rien, c'est rien, c'est rien, Dylan, vas-y. Juste, tu peux me remercier, c'était un mec, hein. Ouais, ouais. Allô. Dommage. Allô. Un mec. Oui, allô. Ouais, je voulais juste te parler là. T'as le temps un peu ou pas là? C'est qui? Bah, c'est moi, Diane. C'est juste parce que bah avec toi, je ne peux plus trop. Enfin voilà, je décide de partir. C'est pour voir un peu ce que t'en pensais, quoi. C'est qui là? Bah, c'est moi, Dylan. Ah, il y a une erreur là. Mais non, rappelle-toi. Et on s'est encore vu hier soir. Non, mais juste avec toi, je me plais plus trop, tu fais plus rien au lit, là, franchement, enfin, j'en ai marre. Il y a une erreur. Je veux partir. Non, mais il n'y a pas d'erreur, je me rappelle de toi. Je te rappelle plus de moi, donc. Ah, pas du tout, non. Ben si, rappelle-toi, c'est encore de hier. Ah, bien sûr, ouais. Mais j'ai dormi chez toi, même. Oui, bien sûr. Non, mais bref, c'est voilà, quoi, je vais te quitter, parce que, bah... C'est dommage de gâcher 2 ans comme ça, mais bon, je peux plus, quoi. Là, tu me fais peur, je préfère partir. C'est voilà, peur. Quoi. Toujours allô, t'es toujours là? Oui. Mais à qui tu crois que tu parles? Comment? À qui tu crois que tu parles? Bah à toi. À toi qui? Bah toi, rappelle-toi, on s'est vu hier. Ouais. Mais si, on a encore couché ensemble, tu te rappelles plus? 1 minute 32. Il tient là, hein, ouais, là. Ça va nous faire une belle égalité, ça. Allô. Allô. Il est parti. Eh ben, 1 minute 42, là. 1 minute 42, Dylan. Putain. C'était pas loin. Non, non, il a fait 1 minute 50, mais c'est pas grave. Il y a la suite dans quelques minutes. On fait la deuxième partie juste après. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël. No limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. No limit. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, No Limit. On Fun Radio. Et on est toujours en direct dans toute la France, ouais, sur Fun Radio, comme tous les soirs. Il n'y a plus de pub maintenant jusqu'à l'arrivée de tout à l'heure à 6h de Bruno dans la radio, évidemment, comme chaque matin. Eh ben oui, la France la qui France. Sera là, évidemment, pour vous réveiller. Il y a Adeline qui dit le gars me fait triper. Tiens, et puis Secret Key qui dit on aura une belle bataille. Oui, ben c'est pas fini. Il y a la suite dans un instant là avec le jeu de la rupture avec Ignace et avec Dylan. Et puis je vous rappelle aussi que Jared Leto sera mon invité dans une petite trentaine de minutes. Donc faites le savoir autour de vous, hein. Il y a le hashtag Jared Leto chez Mickaël qui circule sur Twitter. Bah, je compte sur vous, évidemment, pour prévenir un maximum de vos potes, surtout les filles, évidemment. Faut qu'elles le sachent, forcément. Et puis on va également, dans quelques minutes, balancer encore un coup la colle de Damien. Mon premier de l'argent, mon deuxième est le contraire de pleur. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, et bah, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900, ou alors sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous pouvez jouer évidemment sur le Facebook. Et puis si vous êtes tiré au sort, je vous offre tout simplement votre smartphone, pardon, l'Arcos 45 Platinum. À suivre également dans quelques minutes, dans moins de 10 minutes, le son de Showtech avec We Like To Party. Voilà, Choté qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. We Like To Party. Je vous calerai également le nouveau son de DJ Fresh avec DBDB Sound. Et il y aura aussi avant la fin là, Daft Punk. Daft Punk avec Instant Crush. Voilà, et si vous voulez délirer avec nous, prenez le contrôle de Fun. On est là jusqu'à 2h du mat. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. On va faire la suite du jeu de la rupture. Mais avant ça, on va d'abord prendre Tony. On va le récupérer. 24 ans de Montpellier. Comment va le Montpellierin, Tony? Bien, ça va bien. En forme? Ouais, toujours, super. Bon, ouais. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors, Tony, tu voulais parler de la différence d'âge, puisqu'on a eu un auditeur au début de l'émission qui avait 18 ans, sortait avec une meuf de 13 ans. On a eu ensuite Vaya, 54 ans, qui s'est marié avec le pote de son fils, qui en a 24 ans. Alors qu'il a, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ce qui est quand même assez ouf. C'est violent. Bah, complètement. Et toi, Tony, c'est quoi l'histoire de la différence d'âge? Là, on t'écoute. Mais fais-nous rêver. Moi j'ai 24 et je sors avec une bonne femme de 44 ans. Donc on a 20 ans d'écart et on a une particularité, c'est que moi je suis très très grand et elle, elle est très très petite. Donc, et donc toi t'en as 24 et elle en a 44? Ouais, on a 20 ans d'écart. Ouais. Quelle donc, violence! Mais quelle violence! 1m98 et elle fait 1m50. Ah oh, mais c'est pas possible! Putain c'est ouf! Bah, si. Note, c'est une bonne taille! Bah écoute, on n'a pas à se plaindre. Ouais. Ça va, mais voilà, c'est bien. Ça. Elle, elle arrive à quelle hauteur? Au niveau de ta bite ou au niveau du ventre ou au niveau du torse? Non. Au niveau du torse, ouais. Au niveau du torse. Ah quand même. Mais quand vous sortez, ouais, 98. Ouais. Est-ce que tu l'utilises comme pour poser ton verre dessus? Comme quand table. T'es en boîte. Comme petite table pliante ou dépliante, ouais. Non mais c'est ouf. Faire, ouais. Et qu'est-ce que quand dit la famille, les amis, tout ça, il n'y a pas de problème? Non, bah écoute, non, il n'y a pas de souci. C'est à partir du moment où la relation se passe bien, qu'on arrive bien à discuter. Après, au niveau de différence d'âge, c'est pas un souci. Mais t'imagines, elle avait 20 piges quand t'es né. C'est fou. Ben ouais. Mais après, c'est vrai que 7 ans, 8 ans, 6 ans, c'est pas grave comme ça. Non, mais après, c'est pas grave dans l'absolu. Mais 20 ans, ouais. Non, mais dans l'absolu, rien n'est grave. Mais je veux dire, là, quand même, 20 piges, c'est quand même violent. Hein. Ouais, ok, d'accord. Bon, très bien. Ouais, ben bah, voilà, quoi. Si tu veux, on s'en rend pas forcément compte, quoi. Ça, le contact se fait comme ça. Voilà. Non, mais bien sûr, après, mais après, voilà, comme je te dis, hein, Tony, hein, si ça se passe bien pour vous, tant mieux. Attends, reste avec nous. Il y a JC également qui est avec nous dans le Finistère de Carré. Salut, JC, comment ça va? Salut, Nico. Bien, nickel. En forme? Ouais, la forme. Bon, très bien. Moi, c'est Mickaël, hein, c'est pas Nico, j'y sais. Non, il a confondu avec Miko de Laurent. Voilà, salut. C'est ça. Salut Miko, ça va? Salut Juju. Bon, j'y sais, alors, toi, tu voulais réagir à Tony, toi? Ouais, je trouve ça un peu bizarre, les différences d'âge comme ça. Pourquoi? Bah, encore, là, quand les personnes sont majeures, ouais, mais pour l'autre, là, de 18 ans et sa copine de 14 ans, là, je trouve ça un peu abusé, quand même, quoi. Ouais, non, c'est 18 et 13, c'est encore pire. Ouais. Ah bah ouais, bah, c'est un... Moi, c'est ce qui me dérange en fait, c'est que j'ai des petits frères et des petites sœurs du même âge. Ouais, bah oui. Tu vois le truc un peu, quoi. Ah, je vois très bien le truc, je comprends totalement. Il y a pas d'âge pour les sentiments et pour l'amour, mais... Non, si, mais... Si, il y a un âge. Si, il y a un âge, t'es sérieux, là? 18 ans... Non, il y a pas d'âge. Non, si, il y a un âge. Ouais, non. Mais si, attends, je suis désolé, mais t'as une meuf qui a 13 ou 14 ans, là, comme l'auditeur, là, et puis t'en as un qui arrive, il a 25 ou 30 ans, oui, je suis amoureux, mais j'en ai rien à foutre. Mais 14 ans avec les 14 ans. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais oui, mais d'accord, mais même... Tu peux pas dire ham-ham avec, tu vois. Ouais, ok, c'est vrai, du ham-ham, ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'es petit, tu veux pas dire, parce qu'il y a tes parents, ouais. Tu fais du ham-ham. Du ham, exactement. Non, je suis sur la route, là, je suis tout seul. Non, mais c'est un exemple. Et du coup, toi, tu sors avec qui? Avec quelqu'un qui est plus vieux, plus jeune, tu sais pas? Moi, j'ai mis 6 ans à trouver la bonne personne, tu vois, et j'ai trouvé 6 mois de décalage. Oh, ça va, 6 mois de décalage, c'est rien. Ouais, je suis plus âgé qu'elle, quoi. Bah, ça va, tranquille, 6 mois de décalage, c'est que dalle. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble, quoi. Bon, bah, tant mieux, alors, pourvu que ça dure, en tout cas, je vous le souhaite. Merci, Tony, merci, JC. De rien. Merci à vous. Salut à vous, vous revenez, et vous revenez quand vous voulez sur Antenne de Fun, à bientôt, hein. Merci, c'est cool. Ciao. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on va faire la suite du jeu de la rupture maintenant avec Dylan et avec Ignace. Vous êtes là tous les deux? Ouais. Parfait. Alors attention, Ignace qui nous tient le record d'une minute 50. Dylan, 1 minute 42. Putain, c'était pas loin, c'est très serré ce soir quand même. Malgré tout, pour l'instant, c'est Ignace qui gagne. On va donc faire la suite, la deuxième manche maintenant. Celui qui va arriver à faire mieux qu'une minute 50 gagnera. Pas plus compliqué que ça, hein. D'accord, on va essayer. Donc je le rappelle, Ignace, on va faire un appel encore une fois maintenant. Si tu fais plus qu'une minute 50, on gardera le meilleur score des deux. Si tu fais moins, on gardera une minute 50, d'accord? D'accord. Allez Ignace, c'est parti, comme t'as le meilleur score, on va commencer par toi. On appelle maintenant quelqu'un au hasard. Discussion de rupture, on y va. D'accord. Bonne chance. Dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. Hein. Ça marche. Allez. Allô. Allô. Oui. Allô, bonsoir, oui. Je pourrais te parler deux minutes, s'il te plaît. Oui, c'est qui? Oui, bah, je vais juste te parler de quelque chose et après je te dirai c'est qui. Donc, j'ai pris une décision importante. Ça fait, ça va faire deux mois que j'ai réfléchi et j'ai décidé de te quitter. Donc, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et j'aimerais te le dire au téléphone. Ça te dérange ou pas? C'est n'importe quoi. Non, mais écoute-moi. Rigole 30 secondes. Un peu, c'est marrant, je sais, mais là, c'est important. Enfin, écoute-moi, t'as vu, il y en a pour deux minutes. Après, je te dirai vraiment c'est qui. Et tu seras très étonné de savoir c'est qui, je te promets. Donc, Bonne moi, je te quitte. Et voilà, c'est réglé, quoi. Je vais partir avec Benoît. Hein. 43 secondes. Ah, mais... 43 secondes, Ignace. Ah ben, heureusement que t'as fait une minute 50 juste avant, hein. Ouais, bah ça va, c'est pas mal aussi. Heureusement, Dylan. Ouais. Bon, bah tu fais 1 minute 51 okay, et c'est toi qui gagne. C'est pas plus compliqué que ça. 1 minute 51 et tu gagnes. Putain, chaud. Bon, bah lui il a fait 42 secondes là à l'instant, donc pas terrible. 1 minute 50 score à battre, donc 1 minute 51, c'est toi qui gagne. Dylan, vas-y, on y va, bonne chance. Merci. Allez, c'est parti, les Ardennes, bonne chance à Sedan, Dylan. Dès qu'il n'y a plus de musique, c'est toi qui dis allô. Hein. Ouais. Allez. Oui, allô. Allô. Oui. Ouais, c'est moi là. Ça te dérange de... Enfin, si je te dérange ou pas là. C'est qui? Bah, c'est moi, bah. Quelle question. Bon, je voulais juste te dire que, bah, avec toi, ça pouvait plus durer. Enfin, voilà, est-ce qu'on peut parler là pendant 5 petites minutes si ça te dérange? Non, mais vous vous trompez de numéro. Est-ce qu'on peut parler pendant 5 minutes? Non, je me trompe pas, non. Ouais, on va prendre le temps, quoi. Toi, ouais. Je te parle, c'est vraiment important. Non, mais vous vous trompez de numéro, donc là, je trouve pas ça drôle, pas à cette heure-ci, quoi. Non, ben, c'est pas 5 minutes, ça ne coûtera rien. On se connaît pas, ok? On va apprendre à se connaître, alors, hein. Ah non, enfin, on va pas apprendre à se connaître, non, parce que sinon, j'appelle la police, là. D'accord? Oh, non, mais c'était juste pour te dire qu'avec toi, je me plaisais plus, quoi. Hein. Ah oui, non, mais y a pas de souci, moi non plus, d'accord? 50 secondes seulement. Mais alors, explique-moi pourquoi je te conviens plus alors. Non mais déjà on se connaît pas, donc c'est bon, vous allez me laisser tranquille. Je vous connais pas, j'ai pas du tout envie de vous connaître, ok? Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, dis pas que tu te rappelles plus de moi quand même. Non mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Je vous connais pas, alors foutez-moi la paix. Mais c'est moi. Arrête, bon, ouais, tu me fais peur là quand même. Hop, oh là là là là là là là là là là là, raccroché là. Elle a raccroché. Dylan. Ouais. T'as perdu. Et bravo Ignace. Vas-y, moi je dis le troisième essai, non? Eh ben 1 minute 50, non, Dylan, t'as été mauvais, t'as été mauvais. Bien joué. 1 minute 42 et puis 51 secondes. C'est bien, t'as fait meilleur sur le deuxième appel, t'as fait mieux qu'Ignace, mais comme on garde le meilleur des deux scores, c'est perdu Dylan. Bon, bah tu retournes ta chance quand tu veux Dylan. Ah bah vas-y, profites-en, là, une seule personne, choisis la bonne. Dédicace à mon frère Christopher. Très bien. De la RT 08. Bon, heureusement que j'ai dit une. Salut Dylan. Ouais, heureusement que j'ai dit une. Ça roule Dylan, salut à toi, passe une bonne soirée, hein. Hey, à bientôt à l'écoute de fun. Ciao Dylan. Ignace, bravo à toi, on va te filer le haut-parleur Bluetooth Sony Box, donc on va te filer avec la maison du gsm.com. C'est un haut-parleur Bluetooth donc qui déchire. Alors attention, faut pas avoir peur quand tu vas le recevoir, il est tout petit, donc tu peux te dire oh, pff, c'est de la merde, alors qu'en fait pas du tout, ça donne un son qui déchire sa race. Ah c'est génial. Voilà, génial, donc tu vas le recevoir et puis bibi voilà, ça tient 18h sans pile, sans prise, c'est plutôt cool, plutôt bon esprit, on va t'envoyer ça, Ignace. C'est super, je fais un petit dédicace. Vas-y, profite. Allez, dédicace à Jérémy Barral qui m'écoute là. Allez, très voilà, bien. Bisous frère, bisous. Eh ben le message est passé, à bientôt Ignace. Merci, à bientôt. Salut, ciao. Bon, et avant de se mettre le son de Showtech, je vous l'avais promis, on va se faire maintenant la colle avec Damien de la Ciotat, toujours la dame. Toujours là. Bon, allez, c'est parti, on y va Damien pour la colle. Donc je rappelle qu'il y a toujours un smartphone 45 Arcos, un 45 Platinum pardon, à gagner avec Android à l'intérieur. Bref, la folie totale. Vas-y Damien pour la colle, on t'écoute. Donc mon premier est de l'argent, ouais. Mon deuxième est le contraire de pleurs, qui suis-je? Voilà, mon premier est de l'argent, mon deuxième est le contraire de pleurs, qui suis-je? Il y a Ophélie qui dit coucou, la réponse à la colle, c'est pas l'argenterie. Non. Non. Des billets? Non plus. Le loto? non plus. Il y a Aigle 66 qui proposait une écurie. Ah oui, riz, écurie. Ouais. Bah non. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64-900 ou alors depuis la Belgique et vous pouvez jouer sur le Facebook de l'émission également, facebook.com/Mickaël officiel. On donne la réponse avant minuit 30, Damien, tu restes avec nous ? Pas de problème. Eh ben très bien, ben reste là Damien, on aura également ben on aura Jared Leto là qui va débarquer là dans un petit quart d'heure. Donc si jamais vous n'êtes pas encore au courant, eh bien n'oubliez pas de prévenir vos potes avec le hashtag Jared Leto chez Mickaël. Bah c'est ce soir hein, donc dans moins de 15 minutes sur Fun Radio. Et revenons quelques minutes à cette grande idée hein. Trouver une nouvelle blague carambar pour carambar, bien entendu. Hein. On vous le demande depuis tout à l'heure. Hein. Eleanor qui dit quel est le seul pays où on ne fait pas la bise ? J'en sais rien moi. La République tchèque, bien sûr. Oh ouais, Let's Be Freaks qui dit que fait un crocodile quand il en rencontre un autre ? Elle est connue. Il l'accoste. Lacoste. Bah oui, il y a la petite fée également sur le Twitter qui dit que fait-on avec le lait des vaches folles ? Aucune idée. De la vache qui rit. Et bah oui. Et enfin Tristan qui dit qui du marin ou de l'aviateur écrit le moins ? Du marin ou de l'aviateur ? Je suis pas l'aviateur. L'aviateur, non, c'est le marin car il a jeté l'encre. Voilà. Ah, vous êtes pas mal ce soir. J'en ai une si tu veux. Ah bah vas-y. Alors c'est un électricien qui rentre dans une salle de soins intensifs d'un hôpital. Il regarde les patients branchés à plein d'appareils et il leur dit respirez à fond, je vais changer un fusible. N'importe quoi. Bon, allez, continuez si vous avez d'autres comme ça. Là, on a mis le post sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. On les lit jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. On Fun Radio. Exactement. Et c'est Showtech, je vous l'avais promis. We like to party maintenant sur Fun Radio. On est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël, nos limites. Vous avez enfin trouvé quelque chose à écouter le soir à la radio. Ça tombe bien, c'est ici tous les soirs. 23h, 2h. Le dimanche de 20h à minuit, il y a Apollo qui est en train de préparer la piste de snowboard puisque ce sont les JO, vous le savez. Hein. Et ben on fait nos JO également dans Mickaël No Limit. Il y a d'ailleurs les précédentes vidéos qui sont disponibles sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Allez, Showtech maintenant. We like to party sur Fun Radio. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah ah. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Yes, en direct sur Fun Radio. Il y a Jojo78 qui dit aussi Jared Leto chez Mickaël. Ça promet d'être un grand moment. Eh ben oui, ça va pas tarder hein, justement d'ici un petit quart d'heure. Let's Be Flex qui dit dans quel pays peut-on trouver les gens les plus cool ? Les plus cool au Yémen. Ah oui, Yémen. Au Yémen. T'es connu. Walid aussi qui dit que dit un pneu quand il est fatigué, je suis crevé. Oui, effectivement, merci à toi. Et Marion également qui dit je kiffe écouter Mickaël le soir, il y a du bon son, l'équipe est géniale, je vous adore. Merci Marion. Et enfin, pardon, la petite fée qui dit pourquoi dit-on que la masturbation rend sourd ? Parce qu'on est tout temps en train d'écouter si personne n'arrive. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bon, si vous en avez d'autres comme ça, là, allez-y, hein, vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel, ou alors tout simplement sur le Twitter, hein, vous mettez le hashtag Mickaël pour balancer, bien entendu, tous vos messages. On va faire les teubés de la télé également, comme chaque soir. Et dans les teubés, aujourd'hui, on va parler d'un dîner presque parfait. Il y a une candidate qui nous explique ce qu'elle pense des gens qui n'aiment pas les chihuahuas. Les gens qui me jugent par rapport à mes chihuahuas, qui me disent comme l'autre jour, ben, vous savez madame, en vous regardant, le ridicule ne tue pas. Moi, je me retourne sur la personne et je lui dis, mais madame, en vous regardant, vous en êtes la preuve vivante. Ça, c'est moi. Alors ils ne disent plus rien, c'est eux qui s'en vont. Ah ouais, c'est eux qui s'en va. Alors bah, c'est eux qui s'en va. Exactement. Alors, bon, dans le soir 3, il nous parle également d'un nouvel hôtel qui est relativement sympa. Casanus ou comment passer la nuit dans une réplique du fondement d'un corps humain. Un colon avec un anus à l'extrémité. Ouais. Mais pas d'inquiétude, à l'intérieur, tout est blanc. Le dernier couple, c'était pour une nuit de noces. La plupart du temps, il s'agit d'un cadeau. Quel beau cadeau. C'est un cadeau, alors évidemment, ça change tout. On va dormir dans un cul. Ben oui, alors ça change tout. Et puis dans Top Chef, hein, on a un petit quiz de culture culinaire. Le fion, c'est un moule à gâteau. Oui. Un fromage suisse, un gâteau vendéen, une pièce de bœuf. La réponse, gâteau vendéen. Au boule à gâteau, c'est pas bon. Mamie. Je suis pas qualifié à cause d'un fion. Eh oui, voilà, c'est ça, à cause d'un fion, une tête de fion, pas qualifié. Oh, c'est dommage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on reparlera évidemment des teubés de la télé dès demain, bien entendu. Et puis, bah, on a le temps, justement, avant de prendre Thomas, là, qui est avec nous, de faire un petit point sur les top tweetos, là. Voir un petit peu comment ça se passe. Je vous rappelle qu'on y lit tous les soirs à la fin de l'émission l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission avec ce fameux hashtag Mickaël. C'est le dièse, le carré, vous appelez ça comme vous voulez, sur le Twitter de l'émission. Donc, on fait les 5 premiers et ce soir, c'est le numéro 4 qui gagne. Alors, le numéro 5 actuellement, c'est qui? Alors, c'est Hugo Réau. Numéro 4, Adeline. Qui gagnerait si jamais il était 2h du mat, ce qui n'est pas encore le cas. Numéro 3, Secret Key. Numéro 2, Let's Be Free. Et numéro 1, Cédric. Et voilà, si vous pensez pouvoir arriver numéro 4, et c'est ça la difficulté, numéro 1, c'est facile, il suffit de bombarder le message, mais on y arrive. Mais numéro 4, il faut bombarder, mais pas trop. Doser. Voilà, il faut doser, il faut pas passer 3ème, 2ème et encore pire 1er, mais il faut pas être 5ème, 6ème, 7ème et ainsi de suite. Donc, faut être numéro 4 pour gagner les cadeaux. Les sextoys, bien sûr, offerts par passagedudésir.fr. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, hashtag et Mickaël, allez-y. Putain, il y en a plein des blagues, hein, j'arrive même plus à les lire. Céline qui dit: pourquoi faut-il se méfier des sirènes au volant? Parce qu'elles font des queues de poisson. Voilà, c'est pas mal. Il y a Margot du 26 sur le Twitter qui dit: coucou mes préférés, ça va? Dédicace à mon surveillant préféré qui est avec moi. C'est bizarre, Margot, à minuit 10 là, que ton surveillant soit avec toi, c'est chelou, Margot. Adeline qui dit: ils sont bons les loulous, quand même, mort de rire. Et message: quel est le nerf le plus long du corps? C'est le nerf optique. Le nerf optique, exactement, parce que quand tu tires un poil de cul, bah t'as l'œil qui pleure. Et voilà, exactement. Ouais. Et alors, il y a Fred S34 qui dit: les hippies n'urinent pas, ils pissent. Oh, hippies, voilà. Jocelyn également qui dit: coucou l'équipe, blague de merde, pourquoi appelle-t-on le dictionnaire Larousse? Parce que la blonde aurait été tuée. Il y aurait eu qu'une page. Bon, facile, facile. Ça, c'est bon, ça. Tommy Ribéry ne veut pas jouer en Angleterre car être payé en livres, c'est pas son truc. Oh, c'était connu, mais il me fait rire à chaque fois. J'adore. Et enfin, Marine qui dit: pourquoi Mickaël ouvre? Parce que Jackson. Bah, parce que Jackson, évidemment. Et enfin, Jonathan. Moi, elle avait 25 ans de plus pour la différence d'âge. Bah, on en parle encore, hein, des différences d'âge. Là, vous pouvez rester avec nous, évidemment. Il y a Thomas qui est avec nous de Bourgoin dans l'Isère. Salut Thomas. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Salut. Bah, bien et toi? Bah, écoute, ma foi, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, Thomas. Bon, alors, Thomas, nous allons donc parler ensemble. Qu'est-ce qui t'amène déjà? Bah, en fait, ce serait pour parler des économies. Des économies? Pourquoi tu fais des économies là? Non, mais je voulais aider François Hollande. Non. J'adore. Bah, qu'est-ce que tu fais? T'es dans l'économie là? Dis-moi, tu dis la bourse, c'est ça? Non. Bah, d'accord, c'est. Vas-y, t'économises quoi alors? Bah, en fait, j'essaie d'économiser un peu d'argent pour réparer mon derrière et. Pourquoi tu dis? Réparer mon derrière de vélo. Ah, ton derrière de vélo, d'accord. Dérailleur. Le dérailleur. Ouais. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui va pas avec le dérailleur là? Il s'est passé quoi? J'ai cassé en deux. Mais ah bon, mais qu'est-ce que ça a foutu? Ben, un coup, en fait, il a reçu trop de coups, qui fait qu'il avait réparé. D'accord. Et ben, en fait, après, en changeant de vitesse, ça a cassé en deux. Ah merde. Il a été emmené par la roue. Oh merde. Bon, et ça coûte combien ce truc-là? Ben, dans les 50 euros. 50 euros. Bon, et qu'est-ce que tu veux? Tu cherches des trucs pour... Parce que tu veux pas faire des économies, toi, tu veux gagner de l'argent. Parce que... économies. Ouais, ouais, non, d'accord, ok, parce que faire des économies, c'est dépenser un peu moins, tu vois, c'est genre genre t'as des rentrées, mais tu sais, tu réfléchis à deux fois avant de dépenser, etc. Un peu comme Tof, quoi. Tu vois, il a des rentrées, mais il préfère quand même pas trop, quoi. Hein. Et t'entends mal, Tof. Faut compter. Ouais, économies sur le dentifrice. Et ils économisent sur le dentifrice. Le dentifrice, la douche, le chauffage. Voilà, la douche une fois tous les deux jours, hein, c'est quand même 50. Ah, c'est plus que 50% d'économie d'eau. En plus, maintenant, je profite, parce que comme on fait les Jeux Olympiques. Il y a le savon. Je me roule dans le savon et puis je prends ma douche à la radio. Voilà, et hop, économie totale sur deux semaines. Non mais, revue sur deux semaines, c'est une putain d'économie d'eau. Attends, grave. Non mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Bon, et donc du coup, un dérailleur d'occasion, tu peux pas mettre? Bah justement, c'est 50 euros le dérailleur d'occasion. Ah, c'est à l'occasion. Ah merde, d'accord, ok, oui, d'accord, ok. Oui, bon, évidemment, vu comme ça, forcément, c'est compliqué. Bon, écoute, on va essayer de trouver une solution, hein. Si vous en avez des conseils à donner à Thomas, là. Une petite vieille, ça aide toujours. Ouais, surtout quand elle revient du distributeur. Ouais, c'est ça. Non, mais aider effectivement les petits vieux, tu sais, aller faire les courses, etc., etc., nettoyer un peu chez eux. Bon, en été, tu peux tondre la pelouse, là, c'est un peu tendu, mais ça, tu peux faire. Ouais. Et ça, c'est une idée. J'ai posé des petites annonces et non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché? Bon, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour gagner un peu d'oseille? Je fais du porte-à-porte. Bah, en fait, pour gagner un peu d'argent, j'ai nettoyé la voiture de mes parents qui se sont plaints que je nettoyais pas assez pour trop cher. C'est la crise, mon garçon. Ah, bah oui, tu demandais. Tu demandais combien? 50 euros. J'ai nettoyé mal les vitres. Oh. Ça va. 5 euros, c'est rien. Et si ta spécialité, c'est le lavage de vitres, tu peux te mettre dans des coins de feu rouge. Ah. Et tu fais un cœur sur le pare-brise. C'est comme ça force les gens un peu. Ou alors mieux, tu piques une bague en or à ta mère, tu vas à côté des gens qui sont stationnés, qui sont parqués dans une file ou qui sont garés en double file, tu fais style, t'as trouvé une bague par terre. Et t'essayes de les escroquer un peu d'argent. Non, mais non, prends pas une bague en or. En fait, c'est du ouais, TikTok. C'est du faux. Hein. Tu prends un truc en cuivre, un truc pourri. Un truc de merde qui ressemble un peu à de l'or. Et puis après, tu leur fais croire que c'est une bague en or. Et comme toi, t'es bon prince, tu dis bon, écoutez, la bague est en or, mais comme je l'ai trouvée, c'est pas la mienne. Vous me filez 50 euros et puis vous la gardez. Le mec, il va avoir l'impression de faire une bonne affaire. Enfin, encore faut-il tomber sur un pigeon qui connaisse pas cette histoire et qui se fasse avoir. Hein. Désolé pour ceux qui se sont fait avoir. Oui, vous êtes des pigeons. Bah oui, ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que vous laissez comme ça? C'est peut-être une idée. Bon, si vous en avez d'autres des idées, là, n'hésitez pas. Appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Reste avec nous, Thomas. D'accord ? Ouais. Bon, bouge pas de là. Il y a Jean-François également qui est avec nous, là, qui appelle Danone. Salut, Jean-François. Salut, mec. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va plutôt pas mal. Et toi ? Bien. Ça va. Bon, ça fait plaisir de t'avoir parce que je t'estime bien. Ah, tu m'estimes bien. Tu fais des bonnes choses. Eh ben, écoute, c'est gentil, Jean-François. Hein. Qu'est-ce qui t'amène ? Moi, mon problème, en fait, c'est j'ai trop envie de femme. Oui, c'est un problème, oui. Comment t'expliquer ? Oh, ça va être bon. Bah, je pense qu'on a bien compris, mais... Mickaël, c'est ça. Eh ben, je t'admire. Tu fais une belle émission. Ah ben, c'est gentil, mais je ne suis pas intéressé par toi. Hein. Non, mais je suis pas pédé. D'accord, rassure. Non, mais après, je pose la question, on sait jamais. Hein. Non. D'accord. Je te rassure, je suis pas pédé. Il n'y a pas de problème. J'aime trop les femmes. Bon, et donc ? Mais je manque de sexe. Tu manques de sexe ? Je manque de sexe. Je suis resté 4 ans avec une femme. Et là, il n'y a plus, là ? On s'est quitté. Ah, bah oui. Ah oui, ça, c'est la merde. Et aujourd'hui, t'es célibataire depuis combien de temps ? Oh, ça fait 6 mois. Ah oui, quand même. Donc, ça fait 6 mois qu'il ne s'est rien passé. Oh mon pauvre. Voilà, oh putain, c'est dur, hein, c'est dur. Bon, donc tu cherches une meuf maintenant dans l'absolu, c'est ça ? Donc, c'est pas gagné. Hein. Tu cherches une meuf, c'est ça ? Ouais, je cherche une meuf. D'accord. Bon, donc. Je suis pas moche, hein, j'ai 49 ans. Ah oui, quand même. Je suis pas moche. Hein. Non, mais on en doute pas un instant là, ça vient pas de bien sûr, pas de problème. Bon, donc du coup, tu cherches une fille. Bon, les filles, je ne peux que vous inviter à nous appeler. Hein en plus, je sens que ça va téléphoner à fond là. Bien. Grave, bah évidemment, ne fût-ce que pour rire, pour y faire un effort. On sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Ah bah bien sûr, évidemment, Jean-François, t'as bien fait d'appeler surtout. Hein. Bah 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique, vous pouvez tenter votre chance, évidemment, il n'y a pas de problème. Hein. En plus, ça a l'air d'être un beau gosse. Ah bah bien. Complètement. Ah mais je suis pas moche. Hein. Ah non. Ah bah bien sûr, non mais j'en doute pas un instant là. Bon, Jean-François, on va essayer de te trouver quelqu'un, d'accord ? D'accord, trouve-moi quelqu'un. Bah écoute, je te promets rien, t'emballe pas. Hein. D'accord, Mickaël. Bon, ça marche. Bon, reste avec nous, Jean-François. On va récupérer Thomas aussi, qui veut savoir comment faire des économies et surtout trouver des petits boulots. Il y a Victoria de Liège qui est avec nous maintenant. Salut Vic. Salut Mickaël. Comment ça va, Vic ? Ça va bien et vous ? Bon, écoute, ma foi, plutôt pas mal. Tu nous appelles pourquoi, Vic ? Bah, pour faire des blagues, en fait. Quelle bonne nouvelle. Allez, on y va. Bienvenue sur Blague FM. Blague FM, bienvenue tout le monde. Je rappelle que nous cherchons une nouvelle blague pour Carambar, puisqu'ils ont dû retirer celle avec Michael Schumacher, ce qui est normal, hein, vu son état. Donc du coup, depuis 23h, on essaye de trouver une nouvelle blague pour qu'ils puissent les remplacer. Il y a déjà plus de 300 blagues qui sont arrivées sur le Facebook de l'émission. Hein. Continuez les autres. facebook.com/mikaelofficiel. Alors, Victoria, quelle est ta blague, toi ? Ben, c'est deux petits pois qui se rencontrent. Ouais. Et l'un dit, on s'est pas déjà vu quelque part. Et l'autre dit, si, en boîte. Oh là là ! J'aime bien. Bon, Victoria, une autre. C'est un groupe de visiteurs, en fait. Ouais. Ils vont visiter un fort, dont le visiteur, il dit au guide, depuis combien de temps vous travaillez ici ? Vous n'avez pas déjà rencontré un fantôme ici ? Et puis, le guide, il dit, je travaille ici depuis 300 ans. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Pardon, j'avais effectivement autant pour moi. Voilà, j'ai pris mes amis avec moi pour nous aider. Pour nous aider, là, ouais. Voilà, oui, Atof qui veut s'y mettre aussi alors. Bien sûr, alors vous voulez une crado ou une dégueulasse? Bah, une propre crado. La crado, alors voilà, c'est deux fesses qui discutent et donc il y en a une des deux qui dit pourquoi on ne devient pas amis? Et l'autre lui répond non, c'est pas possible, entre nous ce sera toujours la merde. Vous voulez la crado maintenant? Bon bah, ouais. Ah, c'était la crado parce que moi je t'avais dit la crado là. Non, non, ça c'était la soft. Hein, ah, c'était la soft. Bon, oui. Alors vas-y pour l'autre alors. Alors voilà, c'est un couple qui discute et donc le mec fait à sa meuf chérie, ce soir tu ne me vois pas. Pourquoi tu sors? Non, je t'encule. Oh. Et Victoria elle rigole, hein. Bravo hein, Victoria. Hein. Oui. Hein, bon, Victoria, tu restes avec. Tu oui. passes une bonne soirée. Merci pour les blagues, Victoria. On enverra tout ça à Caramba. On verra s'ils connaissent pas déjà, d'accord? Ça va. Salut Victoria, je t'embrasse. Gros bisous à Liège, à bientôt. Salut. Ciao, bye, bye bye. Jean-François? Oui. On a trouvé chaussures à ton pied. C'est vrai. Et oui, ce sera dans un instant parce qu'on va faire on va accueillir Jared Leto là dans quelques minutes. On te reprend juste après, d'accord? D'accord. Bon, reste avec nous, je raccroche pas Jean-François hein. Non, je raccroche pas. Bon, oui. Parfait. On va également faire la réponse à la colle de Damien là. Comme ça on est un peu en avance, hein. Tant qu'à faire, autant en profiter. Damien, tu es là? Toujours. Allez, c'est parti, juste avant de recevoir Jared Leto qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio, eh ben, on va se faire la réponse à la colle, justement, c'est Damien de la Ciotat qui a balancé une colle tout à l'heure. On appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit avec la bonne réponse par SMS sur le Facebook. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et a la bonne réponse, elle gagne, sinon c'est toi qui gagne, Damien. Allô? Allô? Oui. Bonjour, comment tu t'appelles? Mégane. Mégane, c'est ça? Ouais. Très bien, Mégane. Nous allons jouer ensemble maintenant, Mégane. Il y a Damien qui a une colle à te poser. Vas-y, Damien. Alors, mon premier est de l'argent, mon deuxième est le contraire de pleurs. Qui suis-je? Alors, mon premier est de l'argent, mon deuxième est le contraire de pleurs. Mégane? Une souris. Damien? C'est ça, c'est ça. Allez bon. Bravo, Mégane. Eh ben merci. Eh ben voilà, mais je t'en prie avec plaisir. Du coup, tu repars avec le smartphone, le Arcos 45 Palatinium qui va arriver chez toi rapidement. Je te fais des gros bisous, Mégane. Eh ben c'est bien cool et moi je vous embrasse très fort et je vous suis depuis très très longtemps et je suis cool. Très contente que vous soyez revenus à la radio. Ah bah c'est gentil, bah nous aussi, Mégane. Je te fais plein de bisous et n'oublie pas de prévenir tes amis si jamais ce n'est pas encore fait qu'on est là tous les soirs. Hein. Bon, c'est cool. Gros bisous, Mégane. Je t'embrasse. Et parti déjà, c'est pas grave. Salut Damien également, bah désolé, hein, tu retentes ta chance quand tu veux mec. Hein. Ouais, ça marche. Bon, salut, salut, ciao à toi. Allez, à bientôt, bye bye. Et puis si vous voulez aussi participer à la colle, vous pouvez en poser des colles également. Hein. Si vous en avez des colles à proposer, n'hésitez pas. Vous pouvez les faire directement sur le mail de Sandro, sandro@funradio.fr. En toute simplicité, évidemment. Allez, restez là, il est minuit 20. Je vous l'ai promis, il y a Jared Leto qui va débarquer dans quelques minutes. Il y a Jérémy Titi qui dit je viens bientôt dans les studios. Tu veux quoi comme macaron, vanille ou tarte aux pommes? Ah bah moi je préfère les macarons vanille mais Polo lui préfère la tarte aux pommes. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est Jérémy Titi notre pâtissier attitré officiel. Et puis Lucas encore une petite vanne pour finir hein. Quelle est la différence entre une huître et une moule? Le goût. 40 ans de différence. Oh. Voilà, je pense que tout est dit. Fun Radio. No Mickaël No Limit sur Fun Radio. Et c'est Jared Leto qui va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Il y a Thomas qui dit Jean-François c'est le fils caché de Gilou. Oui, bah on va le découvrir dans quelques minutes. Donc restez bien là, ça va être du lourd. Jared Leto dans un instant. Et puis cache-cache maintenant, Take Me Home sur Fun. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my God. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Si vous venez débarquer, c'est Mickaël No Limit, comme chaque soir de 23h à 2h. Et puis ce soir, on reçoit une méga star. Ce mec sait tout faire. Il chante, il joue de la comédie, il est beau gosse. Et en plus de ça, c'est un pote. Hein, lui, Dali, il a dit lui-même. Jared qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Jared? Ah, ça va bien, bien, bien. I'm good, man. How are you? Bah écoute, moi, je vais plutôt pas mal. Hein, donc il dit que ça va bien, etc. Je pense qu'il y a Barbara qui va faire la traduction. Mais là, je pense qu'il y a que t'as tout compris, Jared. You know, this has been an incredible time. I'm so happy to see you again, bro. It's been really, really nice to be back. And, you know, I'm practicing my French and listening to you and talking very slowly like an American. Je Donc il veut qu'on parle doucement comme les Américains et qu'il a essayé d'apprendre le français grosso modo quoi. Enfin, je veux pas te prendre ton boulot, Barbara, mais... Non, il est très content de te voir et il peut pratiquer son français. Ouais. Et il parle doucement en anglais, comme ça on peut tous bien le comprendre. Très bien. Et donc il est venu avec Tomo, le guitariste. Très bien. Oui. D'ailleurs, avant de parler de Tomo, pourquoi quand je lui envoie un message, il répond toujours avec un seul mot de français et pas le reste? Est-ce qu'il ne se sent pas capable d'écrire? Why, when Michael emailed you, you use only one word in French? Et le reste en anglais. Did I? Non, à Jared. Oh, Jared. I don't recall this moment. Me, because he's a master Frenchman. Yeah, I'm a master, you know, yeah. When you're playing with a swordsman. A legendary swordsman. You have to be careful. Choose your words carefully. You tread lightly. But I'm practicing, you know, my favorite is très fucking ouf. Yeah, voilà. Il le dit souvent en concert. Ouais, en concert. Lille. Yeah. Il le disait beaucoup, Jared. Oui. And then Lille and Lyon, yes. And then Paris. Tonight is my slogan. It's what I always say. Exactly. So if when I go to, you know, stand on the stage, I need a t-shirt. Très, très effectif. I can't believe it doesn't exist yet. Yeah, we need to make them. It's my slogan. On va faire un... Il veut faire un t-shirt exprès avec son slogan. Ouais. Donc très très fucking ouf. Très fucking ouf. Il le dit tout le temps, c'est son slogan. D'accord, très bien. Alors donc t'es venu avec Tomo, le guitariste donc du groupe 30 Seconds to Mars. Et il est où alors le frère? Well, Where is Shannon? Oh. He's I heard the frère. he is detained right now. He's having to take care of some supermodels that are, you know, that need him very badly. He's very busy. He's very busy providing guidance and service. In service and conversation. You mean he's translate. Rehearsal. Yes, rehearsal, exactly. Rehearsal. That's a really good way of putting it. Non, yes. Il est très très occupé. Ouais, d'accord, ok, on l'a bien résumé. Mais s'il veut être un peu dépanné, je peux rendre service, quoi. Oui, bah bien sûr, voilà, c'est il ça. Il fait son toff, en fait. Oui, voilà, c'est ça, il fait un peu son toff, quoi. Voilà, c'est pour ça, donc s'il a besoin d'un coup de main... Voilà, un petit peu ça. La dernière fois qu'on s'était... Yes, right. He's very busy. I know. I can tell. Last night was a big night. Him and we went out last night. A lot of people don't know this, but man, we went out. It was so great. Yeah. So good. Barely slept. On peut pas raconter, mais voilà, on peut pas raconter. Bon, quoi sortir, on pourrait, mais enfin bon. Bon, la dernière fois à Birmingham, c'est pour sa vie privée. C'est vrai. La dernière fois à Birmingham, quand on était passé le voir en concert avec Polo et avec Toff, on s'est raté de peu parce que tu prenais l'avion pour faire un aller-retour à Los Angeles. T'as prévu de partir quelque part ce soir, Sydney ou je sais pas où. Last time I saw you in Birmingham, I just missed you because you had to fly back to LA. Yeah. For your show. Just for one night? Yeah, for one night. Just for one night. Oh, so, God, yeah. Where are you going tonight? What were we offending? What? It was the governor's ball. Yeah, so that was the beginning of actually the award season. And I did. I flew back to Los Angeles because they have an event there. And it's a very prestigious event. It's the first event that you attend if you have a film or a performance that's part of... the award season in America. But the show in Birmingham was a good one. That was a really fun night. I remember really, really special. You know, but this is nice. This time in Paris, we have a few days to spend here. And it's always nice because you get to sleep in the same bed. Mm-hmm. And you get to sleep with the same women. So that's very different too. Just kidding. Qu'est-ce qu'il avait dit donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais? C'est la saison des Awards aux États-Unis, ouais. Donc il y a beaucoup de cérémonies. Et la dernière fois, quand il avait Birmingham, il devait rentrer à LA justement parce qu'il y avait une cérémonie très très prestigieuse qu'il ne pouvait pas rater. Et on ne peut pas rater ce genre de cérémonie, donc il faut s'y rendre. Et là, il passe quelques jours à Paris. Là, en revanche, il est off pour quelques jours à Paris. Voilà, il dort dans le même lit, etc. Ouais, avec la même femme. Avec la femme, avec la même femme, exactement. Quand est-ce qu'on va manger ensemble avec Jared? Ah bah bien sûr. Quand est-ce qu'on va manger au McDo? When are you eating together? At the McDonald's. At McDonald's. No, not McDonald's. No, a good restaurant. No, it's like a friend. Oh, eating a friend? Yes. No, thank you. No. I have a reputation to uphold. Il a raison. I'm sorry for that. Avant de parler de la musique, alors chaque fois qu'on se voit, Michael, it's okay. Oh, yeah, normal. Voilà quelqu'un qui a bon goût. Ah bah, exactement. Voilà, tu as bon goût, Jared. Bon, et à chaque fois qu'on se voit, justement, tu essaies de montrer tes progrès en français. Donc, on va faire un petit exercice. On va appeler une pizzeria. Tu vas essayer de commander une pizza pour qu'elle arrive avant la fin de l'interview. Okay. So each time I meet you, you improve your French. So oui. Let's see it. Oui. You have to order a pizza on the phone. Oh, ouais. In French, of course. In French. Je veux en pizza. Yeah, great. Sans le fromage. Voilà. Avec tomate. Ok. Attends. Très très bien cuit. Très très fucking ouf. Voilà. Vegetables means légumes. Voilà, légumes. Légumes. Oui, légumes. Okay. Et donc à livrer à Fun Radio. Oui. Avec sauce tomate. Wait. On va appeler la pizzeria. Hein. Ok. Let's call the pizzeria. Ok. Donc no. C'est 22 rue Bayard. 22 rue Bayard. Bayard. 22. Allô? Excusez-moi. Oui. Je vends un pizza. Oui. Un pizza avec tomate, avec thon, non? Tomate, quoi? Tomate, sauce tomate, et légumes, oui. Et carottes. Et carottes, oui. Oh, oui, ok. C'est bon. Très bien cuit, s'il vous plaît. D'accord. Ok. L'adresse, 22. Non, 22. 22, rue Bayard. D'accord. Alors, par contre, des carottes, je vais pas en avoir, moi, sur les pizzas. Oui. Pas de carottes. No carottes. No carottes. Ah, c'est... Vous voulez une pizza pas végétarienne? Pas bon. Ton. Alors du thon j'en ai, oui. Ok, c'est bon. Alors du thon j'ai plusieurs pizzas avec oh, du thon. Oh là là. He have a lot of sort what of pizza. Of what kind of tuna? Oh non. No thon. Sans thon. D'accord. Qu'est-ce qu'on sans fait ton, des légumes? C'est bon. Très bien. Cui. Fucking ouf. Très ouf. Très quoi? Très ouf. Ah, une pizza de ouf, vous voulez. Voilà. Très d'accord, ouf. Une pizza de ouf alors. Merci. Ouf, alors. Très ouf. Voilà. Sauce tomate. 22 rue Bayard, à Paris. À 22 rue Bayard. À Fun Radio. Il n'y a pas de problème, je vous fais ça tout à l'heure. Voilà, merci. Hein. Je vous livre à tout à l'heure. Ok, hop. That's hilarious. Bravo, comment ça va? I'm impressed. I'm impressed. Oh, wow. Et Tomo, tu parles bien anglais, français ou pas toi? Non. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Eh ben voilà. Peut-être Tomo parlait Croatian. Ah ouais, non, nous, non. He's like, it doesn't matter. Yeah. Voilà, tu peux dire, je suis Tomo. Guitariste. De 30 secondes to Mars. Voilà, bah voilà, évidemment, tout le monde parle français. En fait, on n'avait pas besoin d'une traductrice. It's okay. Bon, en attendant la livraison de la pizza, là, ton dernier film, Dallas Buyers Club, qui cartonne en ce moment au cinéma, tu joues le rôle de Ryan. Alors, c'est qui, Ryan? Your last movie, Dallas Buyers Club, is stunning. You yeah. Ryan. Thank you, yeah, I got it. He was, you know, the film was the first film I made in 6 years. You know, I read the script and I fell in love. I thought it was just an incredible part, an amazing story. And this character was just unbelievable. I thought it was really a beautiful, beautiful opportunity. And I'm really glad I was a part of it. I mean, it's been unexpected to not make a film for 6 years. Sisani is a just long time. Sisani. Bon, c'est un film qui parle du sida, notamment dans les années 80. Voilà, mais c'est surtout que c'est son premier film depuis 6 ans, ouais. Et il a lu le script et il en est tombé amoureux. Mais il est super bien, pour ouais. Le coup, on l'a vu avec Polo là. C'est triste, on a envie c'est de pleurer. Triste, c'est vrai, mais... There is sometime I want to cry. When no, it's true, it's so sad. The scene with yeah. His father. Yeah. Polo, yes, était, Polo était ému. Oui. Yeah. Can I have a hug? No. C'est un manque d'amour ou quoi? Deuxième fois. Non, c'est Jared. Bon, et la dernière question sur le film. Comment tu t'es préparé pour jouer le rôle d'un travesti dans justement Dallas Buyers Club? Parce qu'il faut quand même dire que t'as un énorme rôle, même si c'est le second, mais t'as quand même été nominé justement à la catégorie meilleur second rôle aux Oscars. What did you do to play this character? Oh, I did a lot. You know, I mean, there was a big physical transformation. I waxed all of the hair on my body and my eyebrows. And, you know, I spent a lot of time in heels and a skirt and a wig and, you know, lost a lot of weight. So it was very transformative. You know, you take yourself and you change yourself. And it's a powerful thing to do. A strange and wonderful thing to do. Il a dû se préparer longtemps à l'avance. Il a épilé tout son corps. Même ses... Les sourcils aussi, ouais. Et perdu beaucoup de poids aussi. Il a perdu beaucoup de poids, il a dû beaucoup se préparer physiquement, ouais. Porter des vêtements de femme tout le temps, une perruque, des talons. D'ailleurs, Jared qui était bonasse hein, dans le film, c'est vrai. Super bonne. Ah mais voilà, il a une belle gueule et tout. Ouais, j'en suis tombé amoureux. Oh, arrête, essaye encore, tu vas encore taper une tôle. Là. Ouais. Exactement. D'ailleurs, il y a Amélie là qui est avec nous. Salut Amélie. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah, très bien. T'avais une question à poser à Jared Leto? Oui, je voulais savoir si après le succès de leur film Artifact, s'ils auraient en faire un à propos des groupes. So she wants to know after Artifact, it was a big success. Do you plan to shoot another documentary about the band? Yeah, we are working on a story about the last tour, This Is War. It was called Into the Wild, and we're editing that right now. So that'll be kind of the follow-up to Artifact. It'll continue the story and then show us on the road. But Artifact is a really special film for us. It's on iTunes now, and people can watch it just for a couple bucks. And, you know, it's great for other artists and people that have to deal with art and commerce. I mean, I'm sure, you know, Michael watches it, and probably can relate in ways. When you're a creative person and you're working in a company, there's always a challenge between art and commerce. So that's really what the film is about. Oui, il y aura une suite à Artifact. Eh ben voilà, Amélie. Qui va s'inspirer de... Merci, Amélie. Qui va s'inspirer de... De la dernière tournée. De la dernière tournée. Ben voilà, Amélie, t'as été voir? Oui. Ah, t'as été à quelle date? Où ça? À quelle ville? J'étais à Lille. À Lille? Ben on y était ensemble, Lille. À Lille. Ben voilà. Did you come to the show? Yeah. Oui, à Lille. Et t'as bien aimé? Oui, et d'ailleurs, si vous permettez, je voudrais les remercier parce que grâce à Tomo, j'ai pu visiter les backstage et c'était vraiment génial. She could visit the backstage thanks to you, so she wants to thank you personally. Oh, the backstage tour is the most important part of the day. Ah ouais, merci beaucoup. Voilà, salut Amélie, gros bisous à toi. Salut, bisous. Allez, à bientôt. Bon, toujours pas de nouvelles de la pizza, j'espère qu'elle va arriver. Elle arrive. Elle va arriver, bon tant mieux. Et je voulais te demander, là, comme t'es allé aux Grammys avec ton frère, aux Golden Globes avec ta mère, le 2 mars, je suis off, hein, si tu veux. So for March 2nd is off because you grab your brother at the Grammys, your mother at the Golden Globes. I'm free. So it's so it's complete. Yes, exactly. It's insane, man. This is such a magical time. And, you know, playing these shows in France right now is as important as all the other stuff going on. I mean, we've had Lille, Lyon, and Last Night in Paris are some of the best shows we've ever played. There was so much fun. Audience was so incredible. And it's just a really special time right now, so we're enjoying it and we feel really fortunate, very very grateful. Ils sont très reconnaissants du public français. Les shows de Lyon, Lille, Paris sont leurs meilleurs. Ils sont très reconnaissants et ils aiment bien le public français. Bah voilà, tout simplement. Très bien. Bon bah tant pis, j'ai essayé. Hein, ça, on sait jamais. Il m'appellera peut-être. Mais t'as vu, il était moins sec qu'avec Paul. Ouais. Mais moi, ça va beaucoup mieux. Hein. Bon, j'ai lu sur Wikipédia que Up in the Air a été envoyé dans l'espace. C'est vrai ça? I read on Wikipedia that Up in the Air has been launched in space. Is that true? Yeah, it is true. It's still up there, actually. We sent it on a rocket to the International Space Station. What was it? 200 and so many miles, is it? 221 or 231, something like that. Yeah, I forgot it. But yeah, it was pretty cool. We put it in this rocket ship, and you've never heard the noise. 3 miles away, by the way. you've never heard or seen a light so bright in your life. It's incredible. It was like the sun, so powerful. But we put it up there, and it's been spinning around ever since. And, you know, I did Le Grand Journal yesterday, and they showed the video. Oh, I hadn't really seen it since. Oh, the thing? Yeah, because when the astronaut was in the space, he took the CD out, and he spun it around. So cool. Should have had a fucking label on it. No label. C'est vrai qu'il est parti de le Up in the Air? Ouais, dans un rocket, je sais pas ce que c'est, mais... Dans une petite fusée, d'accord, ok, très bien. Ouais, c'était... Ok, bon, très bien, bon, comme ça au moins c'est fait. Et est-ce que tu comptes faire des featuring? Parce que dans le dernier concert, enfin dans la tournée actuelle, il y a une reprise, une cover de Rihanna, il y a eu une reprise de Lady Gaga. Est-ce qu'il y a des featuring qui vont se faire en vrai sur des prochains albums? You made several covers of Lady Gaga, Rihanna, so do you plan to rock with them on the new album? It would be fun, you know, I like to perform with different people. Last night we had a guy come up from Indochine. Yeah. We had Nicolas. Yeah, Nicolas from Indochine, and he was really nice, and it's always fun to do something different. You know, I think it'd be pretty sexy to do something with Rihanna. Your voices would sound good together. It'd be nice. Yeah, be fun. Oui, pourquoi pas. Ça serait génial et très sexy de faire un duo avec Rihanna. Ça, j'imagine. Et sinon, hier soir, ils ont accueilli Nicolas Sarkis d'Indochine sur scène et c'était aussi très intéressant. Et il y a Jordan avec nous maintenant aussi de Moselle. Salut Jordan. Salut. Comment ça va? Salut Mickaël. Salut. Alors, Jared Leto, là, t'avais une question pour lui, vas-y. Ouais, bah moi j'étais au concert à Colmar, le dernier qu'il a fait. D'accord. Et je voudrais savoir quels sont ses meilleurs comme ses pires souvenirs avec les spectateurs, que ce soit français, le public international. Jordan went to Colmar, one of your last shows. Oui. He loved the show and he wants to know what is your favorite audience, especially with the French audience. Do you have something to tell us about the French audience? Colmar is the best, right? Just kidding. No, you know, every audience is different. I have to say, France is a very special place for 30 Seconds to Mars. We have incroyable, is that how you say it? Yes. Incroyable. Incredible shows here. Incroyable. And it's a very, I think we have a very strong connection. We feel very at home here and we love it. So that makes it always really nice. I think what's unique about 30 Seconds to Mars, and I'm not so sure that a lot of American bands have done this, is we have played everywhere in this country. We have gone the distance. We have played all of the cities that will have us, and we're going to keep playing more. You know, we haven't just played the major place, which is what a lot of bands from America do, but we've really invested time and energy and visited all kinds of different cities and places like Colmar. I mean, that was an incredible time. It was great. I remember it. So thanks, Jordan. Merci Jordan. En fait, le public, le 30 Seconds to Mars a de fortes attaches avec le public français. C'est pas tous les groupes américains qui ont la chance de pouvoir faire plusieurs concerts en France, aussi bien dans des grandes villes que dans des toutes petites villes. Et à chaque fois, c'est une fabuleuse histoire. C'est clair. Bah voilà Jordan. D'accord. Bah merci. Avec plaisir. Bah, tu reviens quand tu veux. Au prochain concert. Ah bah j'imagine. Salut Jordan. Ciao. Allez, à bientôt. Ciao à toi Jordan. Et pour terminer, last question avec Mélina qui est avec nous de Mulhouse. Salut Mélina. Salut Mélina. Alors, t'es la dernière, on t'écoute Mélina. Ben, moi j'aurais voulu juste savoir c'est quoi son plat vegan préféré, parce que je cuisine bien au cas où. Non, je plaisante, je plaisante. She wants to know what is your favorite vegan plate, meal. Vegan pancakes. Vegan pancakes. On Instagram. Ouais, parce qu'on l'avait vu, il a mis une vidéo sur Instagram où il est en train d'essayer de les envoyer en l'air et donc ça a bien marché. Très très fort. Oui, je voulais vous remercier Fun Radio de m'avoir laissé pouvoir poser une question à ma star préférée depuis 15 ans, quoi. Oh bah écoute, avec plaisir. Favorite star. Oh, you're very sweet. Thank you so much. Ouais, gros bisous Mélina. Merci, bisous. Je t'embrasse. Salut à toi Mélina. Bon, et avant de terminer, on a toujours pas de nouvelles de la pizza, c'est dommage. C'est dommage, pourtant elle devrait être là. Ben ouais, on avait deux petits cadeaux pour Jared. On a reçu des casques qu'on va bientôt offrir. Et comme je sais qu'il est à fond sur le son et qu'il aime bien les détails, il va pouvoir commander son nouveau casque avec son smartphone. Qu'est-ce qu'il a comme smartphone? Parfait, il a un iPhone. Donc il va pouvoir commander son nouveau casque. Ça c'est un premier cadeau. Hey. Voilà, je sais pas s'il le connaît, mais au moins il l'aura maintenant. Donc c'est le Zig by Parrot, il va pouvoir le commander et tout, ça va être génial. Commander directement avec l'application sur l'iPhone ou sur Android, en l'occurrence là c'est sur iPhone. Il va pouvoir étendre le son, ça va pouvoir le noise reduction également, comme tu passes ton temps à voyager. Bref, la folie totale, c'est un casque qui déchire tout et c'est très très fucking ouf. Voilà, très très fucking ouf. It's so fancy. French brand and another gift, the t-shirt Made in France. Oh. Voilà, Made in France comme un air de rock. It's for the band. Too. It's for the band. For Tomo and Shannon. There are three teams. For Tomo. Thank you so much, brother. Appreciate you're welcome. It. So sweet. Bon ben, merci beaucoup. Et je peux demander, Jared, the next time. Fuck you, man. Where is, fuck you. For the next concert, can I come on the stage with you? celebrate your the friend your my friend. No. No. Strike three, buddy. Three. Voilà, bien vu, c'est bon ça, parfait, impeccable. Parfait. Bon, ben merci beaucoup Jared. Thanks, thank you very much and so glad I came. This was a blast. You know, it's been so such an honor to be a part of your what you've been doing all these years and it's really wonderful. Thanks for having us back. Thank you Jared. Thanks, guys. Bye bye. Dans une autre dimension. Michael est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mika-L. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Oh c'était bon la troisième patate dans la gueule là. Quel aïe, rien du tout. Allez on se met DJ Fresh. On se met DJ Fresh maintenant, on revient après. Il faut que je m'arrête un moment. Sound. Voilà. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Ouais, et bonne nouvelle. Il y a Jared et toi reçu la pizza. Ah. Sur le fil. Sur le fil. Bon, il m'a envoyé une photo de la pizza qu'il a reçue ben, juste en partant de la radio. Bon, comment dire que Tomo n'est pas exceptionnellement doué en termes de photographie. Hein. Vous allez voir qu'elle est quand même relativement floue. Attendez, je vais vous la mettre maintenant. J'ai préparé là. Attendez, hop, hop là. Voilà, je vous l'ai mise maintenant sur Facebook, Instagram et le Twitter de l'émission. Ça y est, Jared Eto donc a reçu la pizza avec non pas le ton. Il y avait pas de carottes non plus. Non. Il y avait rien en fait. Il y avait de la sauce tomate et très bien cuite. Voilà, en gros c'est ça. Fucking ouf. Et ouais, une pizza très très fucking ouf. J'embrasse les fans de Jared qui s'appellent les échelons. Exactement. Qui m'ont insulté sur copieusement. Bien fait pour ma gueule. Après trois échecs cuisants hein, c'est ouais, ça hein. Mais c'est un ami. Ah oui ça c'est vrai. Enfin, c'est un vrai ami Mickaël, mais moi c'est pas un pote. Il y a Riel qui dit ah est-ce que c'était bon de l'entendre mettre des gros points pour voilà, merci pour ce grand moment, écoutez avec plaisir. Il y a Précy qui dit n'empêche que c'est grâce à Mickaël que j'ai découvert 30 Seconds to Mars il y a 7 ans. Fred S34 qui dit très bonne interview de Jared Leto chez Mickaël, merci Fred. Adeline aussi qui dit ah vous me faites rêver. Mystique qui dit Polo il veut pas de toi, t'as pas compris encore là. Non visiblement pas. Le prince Nia qui dit j'adore l'accent de Polo, très Frenchy lorsqu'il parle anglais. Mais c'est parce qu'il a compris que ça marche très bien du côté de l'Angleterre et des États-Unis hein, l'accent le Frenchy accent. Let's be free qui est très très fucking hoof. La petite fée qui dit je veux devenir traductrice chez Fun Radio dans l'équipe de Mickaël, c'est le rêve. Bah ouais. Et Eric qui dit on voudrait plus souvent des interviews d'artistes en direct, c'est cool. Bah ils peuvent venir quand ils veulent hein, Eric hein. C'est moi je vais avec plaisir. De quoi? Non, je dis c'est eux qui disent que c'est trop tard. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a Ali aussi. Jared, il aime les Français, mort de rire comme il parle de nous. Sache qu'on t'aime aussi. Mais oui, bah il aime tout le monde et les Français aussi. C'est vrai qu'il aime bien. Angelina qui dit Jared Leto qui commande une pizza en français. Il y a avec Mickaël pour faire ça. Oui, bon, on s'est dit que c'était plutôt original. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement à d'habitude, bon, on a été aidé. Vous avez remarqué quand il y a Jared Leto, il y a beaucoup plus de monde dans la radio à cette heure-ci. Alors que quand on fait les JO, on est quand même seul au monde. Ouais. Et donc on aura la vidéo de la commande de Jared Leto dans un quart d'heure. Ouais, allez, on m'a dit 20 minutes. Bon, non, 20 minutes. Écoute-moi bien, voilà. Chien, tu vas la faire dans un quart d'heure, 20 minutes, sinon je te pète la gueule. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui attendent là. Donc je vais vous la mettre dans quelques minutes. Il y a Priscilla aussi qui dit, je vous jure que s'il le fait vraiment ce t-shirt très fucking hoof, je le mets tous les jours. Et Let's Be Fix qui dit trop mignon, Jared qui parle français. Sarah Svati, qui dit Jared parle doucement, on le comprend bien. Ouais, c'est vrai qu'il parle plutôt doucement. Et Jojo Play aussi qui dit, c'est un excellent moment qu'on passe avec Jared et toute l'équipe. Et enfin Kev également qui dit une pizza avec des légumes. Ouais bah écoute après, j'adore sa façon de dire légumes. Ouais, des légumes. Jared il me fait rire. Ah putain, il y a plein des messages. La Mystique il y a Jared sur Fun. Deux beaux gosses dans les studios de Fun, Mickaël et Jared. Waouh, j'arrive, c'est la petite fée. Ah bah oui, mais trop tard la petite fée, il fallait venir plus tôt là. Mickaël qui dit on veut la vidéo. Tristan qui dit très fucking ouf le Jared. Jamais entendu une voix aussi sexy qu'elle est ici. Bah si. Et la mienne. Celui-là. C'est. Attends, je vais essayer. C'est très fucking hoof. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Très fucking hoof. Le très fucking hoof, man. C'est Priscilla, Thomas aussi. Ah oui, ça c'est après, c'est les vannes. Ok, très bien. On veut la vidéo. Ouais, bah, elle va arriver la vidéo. Vous inquiétez pas, je vous ai mis la photo de la pizza que Jared a commandé en direct avec l'accent qu'on lui connaît. Et comme. Eh, magnifique. Le Rue Bayard, le 22 Rue Bayard. C'est arrivé hein, quand même. C'est plutôt magique quand même. Je sais pas trop comment le mec a fait, mais il est arrivé. Ah, il est arrivé, c'est sûr. Eh ben, en tout cas, bravo. On va se faire les appels avec Toff maintenant. Là, on va revenir au fil normal. Là, on est encore un petit peu sur le. On est encore très très fucking hoof. Ouais. Mais on va le faire. On va le faire maintenant. Là, c'est parti. On va donc appeler et on appelait pour. J'ai oublié. Eh ben, on appelle parce que. Comment on... T'as vu toi aussi, toi? Non. Je cherche comment formuler ça pour pas être dégueulasse. En gros, pour savoir si les meufs préfèrent les grosses bites ou les petites bites, quoi. Voilà, je veux pas le dire comme ça, mais. Bah maintenant. Ouais, attends, tu dis comme. Non, il le dit comme ça à 23h et à minuit 50, ça le choque. Non, mais n'importe quoi. J'étais encore, tu vois, dans l'euphorie. Très fucking hope. Voilà, et donc du coup, tu vois, j'essaie de parler bien. Ok, ouais, je comprends. Bon allez, sinon, on va parler grosse bite et puis voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, allez, on y va, c'est parti. On appelle maintenant. Et puis, on demande, hein, grâce au numéro tout à l'heure que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va. On appelle et on récupérera Jean-François après, qui est en manque de sexe. Il y aura Vanessa également et Crystal qui sont intéressées. Deux filles, waouh. Il va être bien. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir ce que vous pensiez des grosses bites. Et votre connerie, vous voulez que je vous passe mon mari pour que vous rigoliez, connard? Bah, si vous voulez, madame, mais c'est à vous que je pose la question. Ah, que tu penses que je mette moi-même dans ta gueule, connard? Mais enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça? Bah pourquoi tu dis ça? Parce que vous n'arrêtez pas d'appeler. Mais pas du tout, monsieur, je vous appelle juste parce que je veux savoir ce que votre femme pense des grosses bites. Et alors? Bah et alors rien, monsieur. Mais te regarde quoi? Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle. Ouais, c'est pour ça que tu appelles. Bah oui. Et tu es où là? Bah là, je suis chez moi. Je vais te rejoindre. Bah alors ce numéro là, tu l'oublies? Ok. Bah oui, mais vous avez pas répondu. J'ai pas répondu. Bah non. Qu'est-ce que tu passes ma main dans ta gueule? Tu la veux? Bah connard là. Mais je vois pas le rapport, monsieur. Ah, et ben enfin, lui, il a bien vu le rapport. Connard, va. Connard, va. Bon, on le rappelle. Allez, hop, c'est parti, on y va. Allez, il avait l'air tellement gentil. Oh, adorable. On y va. Oui, monsieur, c'est pas très gentil de le prendre comme ça. Et vous, c'est pareil. Je suis routier, je roule toute la semaine. Là, je suis au lit, je viens de me coucher, là. Oui, d'accord. Alors, monsieur. Alors, j'ai sorti, ça va pas du tout, là. Mais, je comprends pas pourquoi okay. Vous dites ça. Moi je vous appelle juste parce gentiment. Je sais pas pourquoi tu appelles ici. Mais je vous appelle pourquoi gentiment. Oui, tu appelles gentiment, d'accord. Mais moi je travaille demain matin. Bah oui, d'accord. Je m'en bats les couilles, moi je... Bah oui, mais si vous répondiez à la question, monsieur, on n'en serait pas là. Je m'en bats les couilles. Bah d'accord. Oui, d'accord, mais... Je m'en bats les couilles, ta grosse bite. Tu veux ma grosse bite dans ta gueule? Mais non, monsieur, je veux juste savoir si votre femme, enfin ce que votre femme mais en mais pense. Quoi, ma femme? Qu'est-ce qu'il y a là? Tu veux que je vais aller appeler quelqu'un derrière? Je vais me repérer, connard. Non, je veux juste savoir ce que votre femme elle en pense. Je m'en bats les couilles. Oui, j'ai compris, monsieur. Oui, je m'en bats les couilles, tu oublies mon numéro. Oui, d'accord. J'ai mon numéro au téléphone. Et moi, je vais venir pour le travail. Je vais faire le plein de vie pour voir les camions. Je vais avoir un petit bras comme toi, connard. Non, mais excusez-moi, monsieur, mais moi, je vous demande juste simplement ce que... Bah, il a raccroché. C'est une erreur, on aurait dit un canard, s'il arrivait pas à en placer deux là, c'est un truc de dingue. Bon, message de Mehdi du 95 qui dit prochaine interview avec Avicii. Bah, s'il veut, il est le bienvenu, tout le monde est le bienvenu, y a pas de problème. Secret Key qui dit Polo, c'est quand même bien fait jeter par Jared. Oui, bah, trois fois il a essayé, mais c'est bien parce que, tu sais, on voit avec Polo comme ça qu'il lâche pas l'affaire, il essaye, tu vois, il se dit, bah, première fois ça passe pas. Sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà, peut-être la deuxième. Mallory qui dit, t'inquiète, Mickaël, t'as une voix aussi sexy, grrr, vous déchirez, bisous, mouillé de Normandie. Le prince Nadia qui dit très bon esprit, Jared Leto, je le découvre grâce à Mickaël. Bah, vous allez voir, c'est un chouette mec. Et Anthony qui dit, comment vous faites pour être aussi fort? Bah, c'est gentil en tout cas, merci. Bon, on fait rien de spécial, hein, pourtant. Tous vos messages qui arrivent encore avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission, avec le Facebook également. Ouais, il y a des messages qui sont arrivés puisque, donc, on a reçu Jared Leto qui a commandé une pizza, donc en direct. Elle est arrivée juste au moment où il est parti, donc on voit qu'il est dans la voiture là. Et c'est Tomo qui a pris la photo, donc elle est floue, hein, parce qu'il y a Tommy qui dit pizza fucking ouf et la qualité aussi. Oui, écoute, on a ce qu'on peut, hein. Il a déjà été gentil de l'envoyer, la pizza très fucking hoof. Très fucking hoof. Bon, on va récupérer... oui, qu'est-ce qu'on va récupérer maintenant? Jean-François. Oui, Mickaël. Oui, Jean-François. Bon. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, comme tout à l'heure, est-ce que toi aussi tu es très fucking hoof? Oui. Bon, dans ta tête? Dans ma tête. Très bien. Bon, tu nous avais appelé parce que tu as une forte envie de sexe. Voilà. Ouais, je comprends. J'aimerais rencontrer une copine. Ouais. Même pour ce que je suis. Très bien. Bah oui, bah j'imagine. Je suis pas méchant. Non. Je suis costaud. Je oui. Je suis pas mauvais gosse. D'accord. J'ai 49 ans. Bah ouais, quand même. Bah attends, parce qu'on a Crystal qui est avec nous là. Salut Crystal. Allô, attends, une seconde, oui. On n'a pas Cristal. Attends, ne... Allô. Ah voilà, voilà. Allô. Allô, Cristal. Oui. Bon, ben, qu'est-ce que tu fous, Cristal, là? Ah ben oui, mais je vous attendais plus, j'étais dans mon bain. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, je te présente Jean-François, il recherche une fille, une femme même, Cristal. Voilà. Allô, Jean-François. Bonsoir, Cristal. Non, Cristal. Cristal, comme le verre. Cristal. Oui, c'est moi. Comment vas-tu? Oh, ben ça va bien, je t'ai entendu la radio, j'étais dans mon bain, ça m'a fait frétiller. Tu sais que... J'ai un manque de sexe. Mais moi, ça fait 6 mois que j'étais ma copine. Oui. Je ne sais plus rien. Ça va pas. Ah bah oui, la masturbation, j'en ai marre. Mais oui, mais je suis là, on s'est rencontrés, on s'est trouvés, je vais m'occuper de toi. Hein, dis-moi comment tu es membré. Je fais 18 cm. Ah oui, c'est pas mal ça. Et tu pourrais me faire quoi avec tes 18 cm? Je te prends pas l'anus, on devrait. Ah oui, comme ça, c'est directement, sans préliminaire. Je te prends le vrai, pas le vagin. Ah aussi, tu fais les deux d'un coup. Ouais, les deux d'un coup. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Sans préservatif. Ah non, ça ne va pas. Je suis séronégatif. Oui, mais ça ne va pas. Moi, j'ai... Préservatif, tu vois. Non, il faut mettre des... il faut mettre des capotes, et bah parce que t'as 49 ans, il faut faire, donne pas le mauvais exemple. Ah mais oui, moi bon, je fais jamais ça. Préservatif. Voilà, hein. Mais c'est pas grave, tu pourras me défoncer deux fois plus avec des préservatifs. Voilà. Tu pourrais m'appeler en numéro privé. On appelle ça oui, un taxi. Je suis la seule. Seul à seul, mais tu veux pas qu'on se voit plutôt seul à seul? On fait l'amour par téléphone si tu veux. Ah oui, vas-y, fais-moi l'amour. Oui, je bande là, comment ça bande? Mais moi aussi je mouille. Oh là là, si tu savais comme j'ai la... Oh, j'ai la chatte en feu. Eh ben, dis à la radio que tu passes mon téléphone, tu m'appelles. D'accord. Et on fait l'amour par téléphone, si d'accord, tu veux. D'accord, mais ce qu'on va faire, c'est que je te rappelle dans 5 minutes, ça va? Dans 5 minutes? Oui. Ah, je demande à Sandro de me donner ton numéro et je te rappelle dans 5 minutes. D'accord, t'as et mon on numéro. Au téléphone. D'accord, rappelle-moi dans 5 minutes, on fera l'amour par oui. téléphone. Voilà, dans plus ou moins 5 minutes, elle te rappelle. Bon, Cristal, oui, bon, on va te donner le numéro de téléphone de Jean-François. Ah, oui. Oh oui, j'ai trop envie de lui, là. Bah, j'imagine. J'ai envie qu'il me prenne comme une chienne. Oui, bon, bah, Cristal, bouge pas, on va te rappeler. On va te donner le numéro et tu fais ta vie, hein. Salut, Cristal. Oui, salut, oh, merci, Michel. Bah, je t'en prie, Cristal, oh, bah, je t'en prie, reste avec nous. Il y a Vanessa également qui est avec nous de Lyon, là. Salut, Vanessa. Salut, Michel. Ouais, salut, Vanessa, comment ça va? Ça va, et toi? Oh, très bien, Vanessa. T'as envie de parler combien à Jean-François? Ah, oh, oui. Ah, oui. Combien mesures-tu? Ah, oh, oui. Passe-le-moi. Attends, combien mesures-tu? Il est en cristal. Ben oui, mais il est en cristal, effectivement. Ouais. Attends, parce qu'il y a Polo qui voulait savoir combien tu mesurais. Combien tu mesures? En taille? Bah oui, non. Non, en kilo. En kilo. Bon, combien tu mesures? 1m75. Ah, parfait. Et tu pèses combien? 60 kilos. Quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Quel est ton tour de poitrine? 95. Et tu te brosses les dents avec quoi? Brosse-dents. C'est la question en sus par rapport à toi. Et tes cheveux, ils sont longs de quelle longueur? Ils sont longs jusqu'au mi-dos et... Oh, sont... oh là là. Ça peut s'essuyer, mec, c'est qu'est-ce qu'elle ouais, est c'est ça. Ah bon, Jean-François. Oh, pardon, Jean-François. Oui, Mickaël. Bon, je te présente Vanessa. Attention, c'est du lourd. D'accord, c'est du lourd. C'est une bebon. J'espère que t'aimes les femmes tatouées. Oh, j'adore. Non, mais il pose pas la question à toi. Attends, Jean-François, envoie une photo à polo@fanradio.fr, P-O-L-O, oui, j'adore. Dis-toi, Jean-François, je prends la relève. Je vais faire comme toi. Attends. Bon, Vanessa. Allez. Vanessa, je te présente Jean-François. Salut, Jean-François. J'ai fait 5 ans de Légion étrangère. Non, mais wow. On s'en fout, ça. La Légion étrangère. Voilà, bon, Jean-François. Mec, Jean-François, t'as une bombe au téléphone et tu parles de quoi? De la Légion étrangère? Non, mais c'est pour lui dire que je la protégerai. Ah ouais, bah très bien. Je la protégerai. Mais j'ai pas envie que tu me protèges. Elle est charmante. Vanessa? Oui. Allô? Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu veux qu'on se parle seul à seul? Oh bah non, en public c'est encore mieux la radio, non? En fait il a cru que c'était un truc de rencontre. Ouais, c'est ça. Tu vas sur le chat et après tu pars tout seul. C'est quoi ton numéro de balle? Boîte aux lettres? Non. Excusez-moi, je suis en train de répondre à Morgan. Non, sur Twitter. Ni ah d'accord. Là, je suis en train de me caresser là. Oui, ah entend. Oui, ça s'entend. Ouais, bah ouais, justement. Je me disais, putain, il y a un problème avec le téléphone. Alors, il se branle, ok, d'accord. Tu sais ce que je fais, moi? Je suis en manque de sexe, Vanessa. Tu sais ce que je fais, moi? Hein? Tu sais ce que j'aime? J'aime les plans à trois. J'aime les plans à trois. Je suis avec mon homme dans la voiture, il est en train de me toucher, tu viens? T'aimerais qu'on soit dans la voiture, que je te laisse les tétons. Ah oui. Ah oui, lèche-moi les tétons. Mais qui se branle, c'est pas ça. Et ton jeu et Jared, tu dois écouter ça dans la voiture. Putain, je suis parti attendre chez les fous là. Et je me pousse du micro au cas où il éjacule dans le. On parle en antenne. Comment? C'est dégueulasse. Mais c'est horrible. Là, je bande, je bande. Ah oui, oui, on a bien. Tout à l'heure, je me suis masturbé et j'ai joué. Ah ouais? Bah, tout va bien. T'as pensé à quoi? Mais j'en ai marre, j'ai besoin d'une femme, Vanessa. Ah. Toi, tu me plais bien, à première vue. Ah oui? Parce que tu m'as vu? Dans tes rêves, peut-être? Je ressens les choses. Il se branle avec quoi pour faire clac, clac, clac à chaque fois? Oui, c'est bizarre. Ça doit être sa montre qui tape sur quelque chose. Ah oui. Est-ce que t'aimerais faire l'amour avec moi par sur sa jambe de bois? Oh. Mais à la radio, c'est encore mieux, voyons. Dis-moi. Oui. Moi. Non. Dis-moi quoi? Est-ce que t'aimerais faire l'amour par téléphone? Ah, et là, il va jouir, hein? Non, je ne peux pas faire l'amour. Et puis, tu sais quoi, j'aime pas faire l'amour. Moi, j'aime visiter, tu vois. J'habite où? J'habite à Lyon. Où ça? À Lyon. Mais j'ai ma soeur dans la main qui habite. Ah oui? À Lyon. On va faire l'amour. Oh, il parle de sa soeur. C'est bizarre, tout le monde est petit. Ah oui, ce matin, j'étais posté un courrier à la poste. Elle a une maison. Elle lui dit, moi je baise, je fais pas l'amour, et il lui parle de sa soeur. Jean-François! Oui! Mec, elle est là, elle te dit qu'elle est avec son mec en train de faire des préliminaires dans une voiture, et tu parles de sa soeur de la poste de Lyon, qu'est-ce que c'est ce bordel? On s'en branle, tout ça avec ta queue en main là, merde! C'est quoi en fait? Je vais prendre plutôt les mecs qui travaillent à la radio, ils ont l'air un petit peu plus chauds. Ouais, je suis très chaud, pour le radio.fr. Ça fait 16 mois que je n'ai pas couché avec une femme. Vas-y, j'arrive. Ah, vas-y, vas-y, viens, moi je suis bouillant. Écoute, écoute ça, écoute ça. Ça c'est mon membre. C'est ça. Bon, Jean-François, bon, on a bien compris que tu ne préférais pas des filles jeunes, tu préfères Cristal, c'est ça? Voilà. Ça fait les vieilles, hein, laisse-moi les jeunes alors. Bah écoute, bon, Vanessa, on va te laisser avec Polo. C'est plus énergique. Mais oui. Alors, et puis de toute façon, j'ai toujours rêvé de coucher avec quelqu'un qui fait la radio. Ah ouais. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Mais ça, c'est le fantasme de tout le monde, Vanessa. Vanessa, je peux même faire. On peut faire. Dans le studio là, sur la table de mixage. Là où Jared était installé. Je suis chaud. Tu m'invites à Paris? Avec plaisir. T'en prendrais pas la vue. Bon, Jean-François. Oui. On va demander à Cristal de te rappeler, d'accord? D'accord, qu'elle me rappelle. Et bon, et continue à te branler, mais pas trop vite, parce que sinon, il n'y aura plus rien pour Cristal. Non, je vais éjaculer. Mais attends. Lui qui me rappelle. Mais t'as déjà craché, là? C'est ça, respecte ta vieille. J'en ai érection, c'est tout. Ah, d'accord, me voilà rassuré, très bien. Bon, et bah écoute, Vanessa, je te remercie quand même. Malheureusement, ça n'a pas servi à grand chose, mais ça arrive même au meilleur, à la preuve. Non, mais je rappellerai, je passerai à Paris vous voir. Avec plaisir, Vanessa. Je te surtout Polo. Je te fais des gros bisous. Envoie-moi une photo polo at funradio.fr. Ouais. Gros bisous, Vanessa. Ça va, bisous, ciao. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. On est bon là, 1h07 sur Fun Radio. Il y a la vidéo de Jared Leto qui arrive et c'est Shakira et Rihanna qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Pour bien comprendre, Mickaël, nos limites, c'est. Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon on va barder. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça vous plairait, pour ceux qui ne connaissent pas et puis pour ceux qui connaissent dans l'absolu, je pense qu'ils vont dire oui, d'écouter, parce qu'on a reçu Jared Leto il y a quelques minutes, d'écouter sa reprise de Lady Gaga. Il avait fait une reprise de Lady Gaga avec Bad Romance. Vous connaissez? Wow, Bad Romance. C'est de Lady Gaga. Elle est énorme. Et puis il a fait un cover comme ça. Il avait improvisé une reprise de Lady Gaga. Donc si vous voulez l'entendre ce soir avant la fin de l'émission, bah dites-nous hashtag Mickaël tout simplement. Il y a Amel qui dit le type est complètement déchiré. Oui, c'est clair. Thomas également, je pense que Christelle a du matos sous la ceinture. Ah bah oui, et pour cause. Je veux prendre la même chose que ce gars-là. Il est chaud le papy, c'est Mickaël. Et puis Kev 06600 qui dit mort de rire, c'est du grand n'importe quoi, j'en peux plus. Echelon Maeva aussi qui dit we want the photo of your pizza, Jared. Et bah la photo est sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram de l'émission. Tapez Mickaël officiel. Et bonne nouvelle, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, la vidéo de la commande de pizza est en ligne. Comme quoi faudra inviter des stars plus souvent puisque les montages de vidéos vont beaucoup plus vite. Ouais, mais on a plus de stagiaires, t'as remarqué? Ah bah ouais. Autant là les JO qu'on va faire dans quelques minutes, on va mettre 6 ans à voir la vidéo. Autant Jared Leto, on n'a pas dit au revoir que paf, c'était là. La folie quoi. Donc allez voir, c'est la commande de pizza de Jared Leto disponible sur le Facebook. Allez voir facebook.com/MIKL officiel. Faut quand même voir que Jared Leto, quand même une star d'Hollywood qui a déjà fait des films avec Brad Pitt, qui commande une pizza. Qui essaye de la commander. Non, il a réussi à la commander parce qu'elle a été livrée. Non, franchement, il a déchiré. Non, il a bien. C'était très très fucking ouf. Ouais, non, il était bon. Exactement. Bon, il y a Thomas qui dit Jean-François, c'est le fils caché de Gilou. Et Dragon qui dit pourquoi les footballeurs vont-ils souvent chez le coiffeur? C'était par rapport au black qu'on avait demandé pour aider Caramba à en trouver des nouvelles. Pour avoir une coupe. Voilà, il y avait Margot aussi du 26. Même malade, je vous écoute, je peux pas me passer de vous. Gros bisous à Martin qui écoute. Bon, on l'embrasse aussi. Et Les Bufflix qui dit c'est deux bonbons qui marchent sur la route. Un flic les arrête et dit papier s'il vous plaît. Oh, j'aime bien. Le Prince Nadia qui dit ah oui, la version de Bad Romance by Jared Leto, je la veux, merci. Ah bah tu vois, le Prince Nadia, tu disais que tu venais de découvrir Jared Leto. Bon, en fait, tu connais déjà apparemment. Et Adeline aussi qui dit oui, je veux l'entendre la reprise. Bah on la mettra peut-être tout à l'heure. Hein. Dites-nous si vous la voulez. Hashtag Mickaël ou sur le Facebook de l'émission. facebook.com/MIKL officiel. Bon, merde, comment elle s'appelait? Cristal! Oui! Oui, donc on va appeler Jean-François alors en direct. Ah oui, je suis toute chaude. Là, t'es sortie de ton bain. Ah oui, il va me faire l'amour. Bah oui, bah c'est ça, ouais. Donc on va l'appeler là. Ah, je suis allez. Chaude. Bon, Thomas reste avec nous pour les économies. Il y aura Momo aussi, il y a Aude qui voulait faire une blague là. Et on appelle Jean-François, vas-y donc. Ça sonne. Oui, allô? Allô? Comment vas-tu? Oh, ça va. Ah, oh, tu sais que je suis chaude? Moi aussi, je suis chaud. Oh. Je suis en train de me caresser. Ah, oh, moi aussi. Oh là là, si tu savais ce que je fais avec mes doigts. Et moi, je suis en train de masturber. Oh, c'est vrai? Ouais. Oh, et si on se voyait, tu me ferais quoi? Je te prendrais en levrette. Oui, mais... Au début, avant de me prendre. Je te laisse la chatte. Ah oui. Le clito. Oh. Je te laisse le clito. Ah oui. Ah encore. Je te mets ma langue dans ton vagin. Ah oui. Tu mets combien de doigts? Ma langue entière dans ton vagin. Combien? Tu sens bien? Oui, je le sens bien. T'as perturbé? Ah oui. Mais tu me mets combien de doigts? Je mets ma main entière dans ton vagin. Ah oui, tu me fistes. Ah oui, j'adore ça, le fist. Oh là là. Une femme ou un homme? Moi je suis une femme enfin. Pourquoi tu dis ça? J'ai l'impression que t'es un homme. Ah non. Ah non, je suis déçu. Moi j'étais chaude, j'ai cru qu'on allait faire l'amour. Fais l'amour par téléphone si tu veux. Mais oui. Attends, je baisse le son. Oui, baisse la musique. Et fais-moi l'amour. Moi je suis en train de me caresser là. Ah moi aussi je me caresse. Horreur. Vas-y, fais-moi jouir. C'est ce que j'aimerais, hein. Non, dis-moi. Tu es le clito. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Bouffe-moi la chatte. Oh. Tu bouffes la chatte. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Cristal. Comme le verre, je te l'ai déjà dit. T'es une belle salope. Ah oui, je suis une grosse chienne. Je suis en train de masturber, là. Mais moi aussi, je suis toute mouillée. J'ai envie de sentir tes gros doigts. Comment t'habilles, c'est ça. Ben là, je sors de mon bain, je suis juste avec ma petite serviette et je me suis couché sur mon lit pour me caresser en pensant à toi. Moi, je suis en train de me masturber. Ah oui, moi aussi. Et bonne nouvelle. Oh là là. Ah oui, c'est trop bon. Non, dis-moi que t'es une femme. Mais je suis une femme. J'ai un gros 95C qui n'attend que ta grosse bite pour le bal à branler. J'ai envie de toi. Comment ton prénom? Cristal, je m'appelle Cristal. Comme le verre. Non, Cristal, comme le verre. Cristal. Oui. Je suis en train de masturber, moi. Ah bon? Ouais. Là, je suis chaud, là. Là, je suis chaud. Là, si je t'avais avec moi, ouais. Je te prendrais par derrière. Oh, et ça te dirait qu'on fasse un plan à trois? Ouais, ça me dirait. Y a ma copine qui vient d'arriver, là. Elle m'a entendu gémir. Mais passe-moi là. Oui, je te la passe. Passe-moi là. Oui, je te la passe. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Jean-François. Comment? Jean-François. Jean-François. C'est excitant, ce prénom. Je suis un beau gosse. Non, c'est ce prénom qui est excitant. Hein? Ce prénom m'excite. Jean-François? Oui. Répète-le encore. Jean-François. Oh, répète-le. Jean-François. Encore. Jean-François. Encore, encore. Plus vite, plus vite. Jean-François. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant que tu répètes ton prénom? Mets-toi un bon vagin. Oh, d'accord, c'est fait déjà. Tu veux que j'en mette deux? Deux doigts. Je mets deux doigts dans le vagin. D'accord. Répète ton prénom en même temps, ça va m'aider à jouir. Jean-François. Vas-y. Jean-François. Encore. Je t'aime, tu sais. Ah oui, à moi aussi. J'aime quand tu dis Jean-François, c'est continue. Une grosse queue, elle fait 20 cm. Non, c'est génial. Oh mon Dieu. On est toutes les deux, j'ai mis les haut-parleurs, Jean-François. Je sais, je viens de faire jouer. Oh, Jean-François. Mais nous aussi, on est au bord. On est au bord de la rupture. Continue à dire ton prénom, Jean-François. Jean-François. Continue. Jean-François. Encore. Jean-François. Encore. Cristal est presque au bout. Continue. Jean-François. Jean-François. Jean-François. Allez, caresse-toi. Jean-François. Allez, caresse-toi. On arrive presque au bout. T'en es où, Jean-François? Je vais éjaculer là. Vas-y, continue. Je vais éjaculer. Continue. On veut tout entendre. Je veux tout prendre. Attends, laisse-moi jouir. Attends. Tu m'entends? Oui, j'entends, mais pas assez fort. Continue à dire Jean-François. Pendant que tu jouis, dis Jean-François. Jean-François. Mets-toi la main dans la chatte. Ah oui, mais c'est fait. J'ai la main complète. Continue à dire. Non, on est en plein milieu là, on peut pas te rappeler. Continue à dire ton prénom. J'ai joué. Mais on a rien entendu. Pourquoi tu veux attendre 5 minutes? Trop tard, j'ai joué. Oh non. On n'a pas fini. C'est trop tard, j'ai joué. Oh merde. On n'a pas fini. Qu'est-ce que tu vas nous laisser en plan? Non, je t'ai même pas mis en plan. Oh merde. J'ai joué, tu m'as fait jouer. Oh, mais tant mieux. Voilà. Oh, tu m'as donné du plaisir. Oh oui, tant mieux. T'es une femme ou un homme? Non, moi je suis une femme. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que je suis un homme? Je sais pas. Ah non, mais pas du tout. Tu sais que j'ai joué là. Oh oui, mais c'est génial. Est-ce que tu peux encore dire ton prénom? Ma queue. Oui, 20 cm, tu l'as dit tout à l'heure. 20 cm. Va, continue à dire ton prénom. Jean-François. Encore. Jean-François. Encore, aide-nous à jouir aussi. Il faut que tu dises ton prénom. Je vais t'aider à jouir. Continue encore. Encore, encore. Oui, je continue, vas-y, continue. Il faut qu'on arrive jusqu'au bout. Il faut qu'on arrive jusqu'au bout. Oh oui. Au bout. Casse-toi, Christelle. Au bout. On arrive à la finale. Casse-toi, Christelle. On arrive à la finale. Oh oui. Casse-toi, Christelle. Oh oui. Casse-toi. Oh oui. Oh. Alice, oui. Encore. Tu peux m'en rappeler dans 10 minutes? Attends, continue. On y est presque, vas-y. Donne encore ton prénom. Jean-François. Encore. Jean-François. Encore. Jean-François. Encore. Oh oui. Encore. Jean-François. Encore. Je suis un beau gosse, hein. Je suis un beau gosse. Ça y est, on a joui. T'as joui? Oh, c'était génial. Oh oui, oh là là. Il est joui. Le lit est trempé. C'était génial, le lit est trempé. Jean-François. Oh oui, continue, Jean-François. Jean-François, on te rappellera demain. On te rappellera demain pour avoir encore une belle soirée. Je téléphone. D'accord. Jean-François. Oui. Non, tu n'as pas que t'es un homme. Mais non, je suis pas un homme, Jean-François. Je fais du 90D. Demain, je te rappelle et on pourra faire une branlette espagnole. Tu sais, j'ai fait 5 ans à maison étrangère. Oui, c'est génial, c'est beau, c'est magnifique. Et je te protégerai. D'accord. Avec moi. Tu protégeras mon 90D. Même un mec de 2 mètres de haut, il ne fera pas le poids. D'accord, avec plaisir. Je peux te rappeler demain, Jean-François? Tu peux me rappeler demain? Oui, je peux. Mais c'est pas ton numéro. Mais moi, je te rappelle demain. Tu me rappelles, toi? Je te rappelle demain, promis. Je t'aime. Oui, à moi aussi. Donne encore ton prénom. Moi. Jean-François. Encore. Jean-François. Encore. Je m'appelle Jean-François. Martinez. À demain, Jean-François. À demain. Tu peux pas continuer comme continue? Non, je te rappelle demain. Vers quelle heure? Vers plus ou moins comme aujourd'hui. À 1h20 du matin, Oui, oui, plus ou moins. Et tu sais que je suis trop amoureux de toi? Oh, c'est vrai déjà. Ouais, déjà. C'est génial. Je te rappelle demain, Jean-François. Salut. Tu me rappelles, hein. À demain, je te rappelle. Bisous. Moi. Au revoir. Pour bien comprendre, Mickaël nos limites, c'est... Excuse-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi, je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon ça va barder. Mickaël nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Oh, quelle horreur. Oh. Putain. Et dire qu'un mec qui essaie... C'est extraordinaire. Sur ma voix que c'est branlé, enfin sur la voix de Toff et la mienne. L'horreur, je suis peut-être angoissé jusqu'à la fin de ma vie là. Bon, 1h23, bienvenue, c'est Mickaël No Limit. L'émission qui porte bien son nom, c'est Daft Punk qu'on écoute maintenant et c'est Instant Crush sur Fun. Le son Daft Punk à l'instant sur Fun Radio, c'était Instant Crush. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio. Alors soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. Mickaël No Limit, évidemment. Toujours en direct jusqu'à 2h du mat avec l'interview de Jared Leto qu'on a eu tout à l'heure. Et puis la commande de pizza en français de Jared Leto qui est disponible en vidéo sur le Facebook de l'émission. facebook.com/mickaël officiel. Allez voir ça, ça valait le détour. Laissez-moi me concentrer sur mon jeu de Call of. J'arrive pas tellement, c'est des barres, c'est Mehdi du 95. Mickaël qui dit il me fait trop marrer, ça déchire, je suis trop mort de rire, c'est un légionnaire, faut pas oublier, c'est Jean-François. Jojo qui dit mort de rire, Mickaël, vous m'avez tué, franchement j'en peux plus. Il y a Angelo aussi qui dit mort de rire, je me suis explosé de rire. Il craint Jean-François, j'en pleure de rire, sérieux, le mec il faut qu'il dessoule. Il y a Jean-Pascal encore un autre qui dit ah oui, ça c'était par rapport au van. Hey, il était fort hein, le JF là, hein, qu'on a eu à l'instant là. C'était pas du lourd, c'était du très très très lourd. Et en plus la bonne nouvelle c'est qu'on l'appellera demain. Bon, Toff, pourquoi on l'entend pas? Il s'est sauvé? Mais non, mais je n'entends pas en fait. Pourquoi il a pas allumé son micro, ce mongol? Oh, je vous jure. Comme d'habitude, il a pas testé. Voilà, tu m'entends là. Ah, eh ben ouais, mais là tu l'as parce allumé. Que donc. Le micro s'était mis en mute, il a eu peur. Ah bah oui, il s'est mis en mute, ouais, c'est ça. Qui a eu peur? C'est le micro ou toi? Allez, c'est parti pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques donc de saut de ski, les précédentes épreuves, je vais arriver à retrouver mes mots moi, sont disponibles sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Et nous allons maintenant faire une nouvelle épreuve. Le temps que je me déplace jusque dans le couloir, parce qu'on fait les épreuves évidemment dans le couloir. Nous allons donc, pardon, là j'ai pris le micro sans fil, hein, comme vous avez pu le remarquer. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Non. Bah comment ça non? Bah si, vous êtes prêts là non? Attends, parce que Toff il a peur apparemment. Bon, on y va, attendez, je vais aller jusque dans le studio quand même pour voir. Alors il faut savoir que Polo s'est quand même démené là pour faire une piste, un semi-half pipe. Le principe donc c'est qu'il est au-dessus de. Bah il est dans le couloir de fun. Et la particularité du couloir de fun, c'est que à la fin, enfin au début du couloir, il s'est surélevé de 5 marches. Donc il est au-dessus sur une planche qui a été construite totalement par Polo de ses mains. Il y a un espèce de côté sur le côté du couloir qui permet de glisser en étant sur le côté. Alors évidemment c'est compliqué à comprendre comme ça, je veux bien l'admettre. Il y aura les photos et les vidéos bien sûr sur le Facebook de l'émission, hein, le plus rapidement possible, facebook.com/mikl officiel. Attention, c'est donc Toff qui va s'y mettre là maintenant, qui va démarrer ça. Le but, arriver jusqu'à la fin. Je vais comme d'habitude et comme hier vérifier. Et bon, Polo a estimé que tu n'y arriverais pas puisqu'il s'est arrêté en bas de la descente. Parce que déjà il a estimé déjà beaucoup trop long. Bon, alors attention. Donc le principe, Toff, comme tu sais que tu connais pas bien le snow, bah, le principe, pour un peu avancer, tu sautes un petit peu comme ça et hop là. Et attention, bah tu peux y aller. 3, 2, putain, je suis sérieux. 3, 2, ouais, ce que je veux faire. 1, non, j'ai peur. Allez. Bah mec, on a déjà descendu des montagnes, oui, de 2000 mètres. J'étais à ski, c'est un snow, j'ai jamais fait de snow de ma vie. Mais c'est génial le snow. Bon, celui-là, je suis pas sûr parce que la planche, bah, tu a l'air un peu. Après, tu fais une descente après. A l'air un peu bizarre, mais alors allons-y, attention. 3, 2, 1, non, les Jeux Olympiques de saut de ski. C'est le snowboard maintenant. J'ose pas. Allez, vas-y. Bah justement, c'est bien ça le problème. Vas-y, allez. Plie un peu les genoux là. Allez. Voilà, il faut plier les genoux. Eh, à la montagne, t'as pas de. Ouais, mais c'est pas grave, ici y'a une rampe. Y'a pas de rampe. Hein. Bon, vas-y, mec, au plus tu fais, plus vite t'y vas, plus vite c'est. Hein, plus, mieux plus c'est. Mort. Oh putain. Oh putain. Ah oui, mais c'est ce qui arrive, hein. Il aurait fallu mettre des protections au niveau des. Ah. Des... Ah. Ah justement, mon micro qui a coupé, donc il manquait plus que ça. Tiens, du coup je ne peux pas suivre l'extérieur. Plus de batterie sur le micro, ça arrive, c'est comme ça. Ce sont les aléas du direct. Bon alors Toff, on en est où là? Bah je laisse mon tour là. Bon merde, dommage. Ah. Bon est-ce que Polo s'y met alors? Et quoi, tu t'es cassé un truc ou pas? Ouais, je pense, ouais. Alors, genre quoi? Mais il faut mettre des protections, hein, j'ai oublié les miennes moi. Les protections des poignets, les protège-poignets, ouais, faut mettre ça quand on fait du snow là. J'ai oublié le protège-poignet. Mais quoi, mais ça va, en plus c'est pas la main qui te permet de te branler donc t'es sauvé. Bah heureusement. Bah voilà. Et en fait, donc comme j'avais déjà tapé sur le coccyx hier, je pense que là j'ai bien retapé aussi quoi. Ouais, mais non, mais c'est ça, c'est rock and roll. Ouais, c'est ça. C'est le rock and roll. Bon, est-ce que Polo est prêt du coup? Attends, parce que là du coup on va envoyer Toff là-bas pour le son, parce que moi je n'ai plus de micro, oui, malheureusement, attends, je n'ai plus de son. Donc alors attention, on y va, c'est parti. Alors est-ce que Polo est prêt? Polo n'est pas mort. Ah oui d'accord, ok très bien. Ah oui, mais tu fais pas la descente Polo toi? Genre il l'a fait et comme par hasard on n'a rien vu. Le hasard comme par hasard. Bon alors attention, Polo qui se remet en place donc. Il se remet au-dessus de la montagne, c'est-à-dire 5 marches en fait hein, pour ces Jeux Olympiques de saut de ski. Alors attention, on y va, c'est parti, il descend là où Toff s'est cassé la gueule directement. Oh, la violence de la chute. Alors attends, je vais prendre des nouvelles de Polo quand même hein. Polo, comment ça va? Allô? Ça fait mal ou pas? Oui, apparemment nous avons perdu un athlète. Nous avons perdu quelqu'un. Attends, je reprends des nouvelles. On est toujours en direct. On est toujours en direct Ça va se finir à l'hôpital. On est toujours en direct du couloir de fun avec cette magnifique planche. Bon alors merde. Comment j'ai pas mis. Comment ça va Polo, en forme ou pas? Ah non, apparemment ça va pas. Bon, c'est terminé apparemment. Bon, et bah écoute, j'allais en faire, mais finalement je me débine, hein, clairement, parce qu'il y a plus que moi qui suis en état de marche. Polo Toff qui est en train de tirer à l'aide d'un câble électrique. Paf, Polo qui se casse la gueule à nouveau. Bon, bah vous savez quoi, je pense que je vais aller en sortir bientôt faire du vrai snowboard, parce que cette planche là me paraît quand même relativement bancale. Vous verrez les photos et les vidéos bien sûr sur le Facebook de l'émission très rapidement. Bon. Ouais, c'est ça. Alors il veut quand même arriver jusqu'au... Tu veux encore descendre l'autre escalier? Ah, il n'y arrive plus parce que... Oh là là, il n'y arrive plus malheureusement. Ça, le câble électrique et le savon, ça va mal ensemble. Allez Polo, là, vas-y. Allez Polo, tire. Toff, tire. Tire. Tire. Tire. Ils vont encore tomber tous les deux, tu vois, vous allez voir. Et je vais finir l'émission tout seul. Bah. Et encore une énième chute, là. Bon, je crois qu'il faut arrêter, là, non, à un moment. J'ai pas mis des heures à faire cette fête pour rester là. Non mais bon, il y a un moment faut se dire que c'est plus possible quoi. Il y a un moment faut arrêter, hein. Bon, il y a un moment faut arrêter. Je pense qu'il faut il faut pouvoir s'arrêter à un moment ou un autre. C'est fini. Si t'as fini là, faut arrêter. Il y a un moment faut arrêter. Voilà, c'était les Jeux Olympiques de Sochi à l'instant sur Fun Radio et en direct évidemment. Oh, bah ça fait bien récupérer un micro normal, tiens, voilà, les Jeux Olympiques, donc on continuera demain. Alors peut-être, hein, parce que bon, vu l'état des deux athlètes, je peux vous dire que c'est pas gagné d'avance non plus, mais on va essayer de les récupérer dans quelques minutes. Je pense que Toff s'est tapé une deuxième fois sur le coccyx, donc à mon avis, il ne doit plus rester grand-chose. Bon, comme c'est du snow également, bah il s'est pété le poignet, je pense également, Polo de même. Donc je pense que demain, je ferai l'émission tout seul, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en même temps, hein. Bon, on va prendre l'avis dans quelques minutes, là. Revenez les athlètes là pour voir un petit peu comment ça se passe. Attends, parce que Polo est essoufflé là et on peut plus. Bon, t'es de retour là ou pas? Presque. Ah, presque, je vous jure. Bon, Aude qui est avec nous de Vittel. Salut Aude. Bonjour Miguel. Comment ça va? Bah, ça peut aller. Oh là là, putain, c'était très très fucking ouf les Jeux Olympiques là. Ah, grave, mais je crois qu'on est morts tous les deux. Ah bah ouais, là, mais oui, mais bon. Là, ah bah non, mais alors je vous explique. Tu vois les espèces de panneaux publicitaires, tu sais, un peu en plastique comme ça, ou bah même pour fun, tu sais, il y en a où il y a Rihanna, tout bordel là. Ouais. Eh ben en fait, Polo s'est amusé à prendre un vieux truc qui était abîmé. Il a découpé pour dessiner une planche de snow. Il a collé les chaussures de Toff dessus avec du gaffeur, du scotch, tout le bordel, de la colle. Et en fait, c'est devenu une planche de snowboard. Donc il a mis du savon partout par terre sur une bâche en plastique. Et bah forcément, bah ça glisse quoi. Ça a glissé, oui. Ça a bien glissé même. Hein. Ah oui, ça a bien glissé et c'est une catastrophe. Ça arrive. Donc du coup, bah, je voulais en faire, mais ça m'a passé l'envie là. Oui, oui. Ouais, je comprends pas pourquoi. Surtout que c'est con, à deux semaines de partir au ski, de se casser un truc, c'est con, c'est ballot quoi. Bah ouais, c'est ça. Oui. Moi-même, cavalière, j'ai déjà fait des chutes, je suis déjà tombé sur le coccyx et ça fait très mal, donc je compatis pour toi. Ah bah très bien, merci. Merci Aude. D'ailleurs, combien mesures-tu Aude? 1m71. Combien pèses-tu Aude? Attends, j'ai oublié de mettre la musique. Je préfère pas le dire. Ah bon? Ouais. Bon bah tant pis. Ah toi fait déçu, mais ouais. Tant pis, qu'il laisse sur enculé de toute façon. Voilà. Non, faut dire les choses, il y a un moment, faut dire les choses. De toute façon, en même temps, il a plus le coccyx, il a plus le bras, ouais, il a plus le poignet. Ouais, je pense que le poignet, il a bien morflé. Bon, Aude, toi t'as appelé pour une blague, c'est ça? Plusieurs blagues, ouais. Ah, plusieurs blagues, ouais, bah alors allons-y. J'en ai un petit stock. Ah, t'as carrément le stock. Ah bah oui. Hein. Parfait. Je vais prendre la gueule, alors, ouais. Eh bah écoute, alors magnifique. Eh bah écoute, nous sommes tout ouïe. Enfin, en tout cas, fais déjà la première, on va voir. Parce que je rappelle que depuis tout à l'heure, on cherche désespérément nouvelles blagues pour Carambar. On essaie de leur filer des nouvelles blagues pour Carambar de manière à ce qu'ils puissent renouveler leur stock. Ouais, bah là, il faut parce que ça devient critique. Ah bah ouais, bah complètement. Bon, et alors vas-y. On est autour de Carambar. En fait, c'est une banane qui discute avec une cigarette et la banane, elle lui dit, ouais, c'est horrible ce qu'on fait parce que moi, en fait, on m'épluche la... Non, on m'arrache la peau pour me manger la chair et la clope, elle lui répond, bah, sors pas parce que nous, moi, on allume la tête pour me sucer le cul. Ah, mais en plus, si tu trompes dans la vanne, hein, comment veux-tu qu'on s'en sorte aussi, hein? Eh non, mais c'est parce que c'est en direct, ce serait sympa. Oh, mais il faut pas être stressé, Aude. Hein, mais oui, pas avec nous. Mais oui, on va pas te manger, Aude, regarde, on est gentil. Bah, par rapport à un téléphone, ça va être dur. Oui, c'est pas faux, effectivement, là. Vu comme ça, tu marques peut-être un point. C'est vrai. Bon, allez, encore une. Bah, en fait, c'est une nana qui rentre chez elle et puis il y a tout qui est fermé. Puis son copain lui fait oh, vas-y, ferme les volets, j'ai un truc à monter, rejoins-moi dans la chambre. Alors bon, bah, elle se doute qu'il se passe un truc, alors du coup elle ferme tout. Et le gars, il va dans la chambre, puis elle le rejoint, puis elle se met sur le lit, son chien noir et tout. Et le gars, il lui dit t'as vu ma montre, elle prie dans le noir. C'est nul. Mais c'est... Bon allez, je vous en raconte une bonne parce que... Ouais, bah deux échecs... tu t'emballes peut-être un petit peu là, non? Alors, qu'est-ce qui sépare deux obsédés sexuels de trois salopes? Vous voulez la réponse ou pas? Bah vas-y, on t'écoute. Ah, bah, la porte du cockpit. Nul, encore une fois. Non, regardez, oh, alors, mais oui, mais non, mais l'autre, il rigole de tout et n'importe quoi. Il bon, allez, d'accord, je t'en fais une autre. Quelle est la durée de vie d'une moule? Je sais pas. Bah 12 ou 13 ans, après il y a les poils et ça devient une chatte. Ah super, merci, bon ça ira. Merci beaucoup, je te fais des gros bisous hein. Oui moi aussi, je te fais des gros bisous. Allez à bientôt, je t'embrasse. 23h, 2h. Fuck Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et la reprise de Lady Gaga va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. La Jared Leto qu'on a reçu. D'ailleurs, il y a la vidéo de la commande de pizza qui est sur le Facebook. Je vous mets les photos également dans quelques minutes là sur le Facebook de l'émission. facebook.com/MIKAELOfficiel. C'est le son de Pharrell Williams qu'on écoute maintenant. C'est Happy sur Fun Radio. Bonne nuit. It might seem crazy what I'm about to say. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio, 1h43 du mat, évidemment. Là, c'est Mickaël No Limit avec du lourd ce soir, hein, entre Jean-François, qui est passé tout à l'heure, là, il s'est branlé en direct. C'était une folie, c'était une horreur, je fais gerber. Comme beaucoup d'auditeurs d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait. Merde, toutes les blagues, évidemment. Jared Leto, bien entendu, qui est passé nous voir. Et puis les chutes de Toff. Et puis les chutes de Toff aussi, évidemment. Bah oui, oui, forcément. Et tout ce qui s'est passé ce soir, là. On était au taquet. Voilà. Et la vidéo, évidemment, de la commande de la pizza en français de Jared Leto, donc qui est sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez aller voir facebook.com/MIKAELOfficiel. Et même en top tweet ce soir, grâce à vous, là. Merci, Fredes34, de nous avoir prévenus. C'est gentil. Manu qui dit aussi, vous êtes des malades. Fin de la semaine, vous allez finir à l'hosto, bande de ouf. Ben oui, oui, non, mais c'est vrai. Le fils de Gilou, là, le mec qui se branle presque même bruit, d'ailleurs. Mais en même temps, le bruit de la branlette. Et Mickaël No Limit, interdit au moins de 18 ans. Je suis mort de rire sur mon volant. Le cri de Toff, j'ai. Attends, c'est quoi? J'ai la crise au ventre. Tu m'étonnes. Et vous avez pas sa tête en face de vous dans la jouissance. Ah, c'est une horreur. Ça vaut son pesant de cacahuète. L'horreur. Thomas qui dit félicitations les gars, vous venez de faire un génocide de petit Jean-François, il angoisse sur la moquette, c'est clair. En même temps ils sont peut-être contents. Hein. Putain de bar également pour Manu, Polo et Toff, je vous veux et je deviens PD rien que pour vous, grave plié, c'est Alex. Je suis mort de rire, bordel, c'est Misaki qui a envoyé le message et Secret qui dit je suis mort de rire aussi, vous êtes des malades les loulous, je vous adore. Stevie aussi, ah putain je suis mort de rire, pareil, et la petite fée qui dit les mecs, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas rire au téléphone tout à l'heure, sérieux, c'était énorme avec l'ami Jean-François. Il y a Alexandra également qui dit l'accent trop mignon, puis la pizza aux carottes, pourquoi pas. Ouais, il faut savoir que Jared Leto est végétalien. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne mange rien de... Et en fait, il ne mange rien, il ne mange pas d'animaux et il ne mange même pas ce qui vient des animaux. Ouais, il y a donc la différence entre végétarien, où tu manges tout ce qui vient des animaux, mais pas la viande en elle-même. Et végétalien, c'est que tu ne manges rien, même un œuf. Voilà, ni œuf, ni fromage. Bah, ça vient d'une poule, donc il ne mange pas ça, exactement. Je ne sais pas comment il fait, hein, je sais pas comment il pourrait... Comment je crois que c'est son secret de beauté. Voilà. Peut-être, c'est vrai, hein, si peut-être, peut-être. Il est très beau, très mince, il a des beaux cheveux. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Il dit, oh mon pauvre Toffinou, t'es fait bobo, faut répondre à ma demande en mariage alors si tu veux être soigné. Oh. D'accord. Oh là là, mais comment tu peux, Mystique, là, c'est angoissant. Ne fût-ce que de l'imaginer proposer, c'est dingue quand même. Bon, il y a Thomas qui est de retour là, Thomas avec les économies. Thomas. Je pense que nous avons perdu Thomas, à mon avis, il a dû s'endormir au téléphone, du coup, il a 14 ans. Il fait des économies. Ça arrive, il fait des économies de téléphone, il a raison. Kevin est avec nous maintenant là, de Seine-et-Marne. Salut Kevin. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien Kevin. Bon, tu nous appelles pourquoi toi Kevin? Bah c'était pour Thomas mais il dort je crois. Bah oui mais là il s'est endormi. Bon c'est pas grave, c'était quoi l'idée des fois qu'il écoute la radio, on sait jamais. On essaie de le rappeler quand même mais on sait jamais. Ouais, c'est quoi tes idées toi Kevin là de d'économie? Bah, en fait c'était pour dire que 50 c'est un peu cher non pour un derrière. Un dérailleur. Ouais, 50 euros. Mais il y a un auditeur sur le mail qui m'a dit, ouais, t'as qu'à aller à la casse, ils vont t'en donner un dérailleur merdique. Bah non, il y en a à Leclerc pour 7 euros. Ah oui, un dérailleur. Ouais. Ouais, mais ça dépend, peut-être qu'il veut un truc super classe, c'est peut-être un truc de... Shimano. Il va Décathlon. Ouais, c'est ça. De quoi tu dis? Il va Décathlon pour 20 euros, il en a. 20-30. Ouais, bah peut-être, oui. Après, ça, je sais pas. Attends, on n'arrive pas à le récupérer. Je pense qu'il s'est endormi. Merde. Ah, putain, dommage. Putain, il dort. Mais oui, il s'est endormi, le con. Oh, déception totale. Déception totale. Bon, c'est pas grave. Écoute, ouais, Kevin, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, après faut tester, quoi. Faut essayer. Mais si tu dis que chez Leclerc, il y en a. Mais 7 euros, ça me paraît peu cher quand même. Bon, ça doit être du dérailleur bas de gamme, quoi. Ouais, c'est peut-être un dérailleur bas de gamme, effectivement. Ouais. Mais bon, écoute. Pour le dépanner pour ses économies, non. Ouais, il veut faire des économies, c'est une belle économie, c'est vrai. Bah écoute, merci Kevin, en tout cas, pour l'idée. Hein. Je peux passer une dédicace, s'il te plaît. Eh bah vas-y, on t'écoute. À Younes, c'est tout. D'accord, le message est passé, c'est bien. T'as vu, je dois même pas dire à une personne, il est bien élevé et tout. Oh, il a la classe. Avec plaisir, Kevin, on va t'enfiler sans problème. Tu vas retourner chez Sandro Standard et je te laisse gérer ça avec elle, d'accord? Ok, merci à tous. Ça roule. Salut Kevin, à bientôt. Salut. Salut Kevin. C'est pas grave, je suis pas vexé. Oui, bah j'imagine. Bon, il y a Philippe également là qui est avec nous là, du Pas-de-Calais pour les blagues. T'es là, Philippe? Ouais, salut Mickaël. En forme? Vas-y, fais-nous plaisir. Bon, allez, vas-y Philippe pour une blague. Allez. Alors, écoute, c'est un charcutier. Attends, respire un bon coup. Oui. T'es prêt? Ouais. Allez, on y va. Fonce. Allez, vas-y. Alors, c'est un charcutier dans son étal, tranquille. Il attend la cliente. La cliente, elle se pointe. Je voudrais un saucisson. Oui, madame. Je vous le coupe en rondelles. La cliente, elle dit tout simplement, tu prends mon cul pour une tirelire, toi. Allez, Bélo. Je rigole parce que c'est nul, mais c'est l'automatisme. Le truc est tellement naze. Et tu prends mon cul pour une tirelire. Mais oui, évidemment. Mais... Bon, encore une, Philippe, là, vas-y. Oh, écoute, attends... c'est une cliente qui avait commandé une langue de bœuf. Ouais. Alors le lendemain, elle se pointe à la boucherie, elle dit, écoutez, elle dit, je suis désolé, j'ai pas une marmite assez grande. Elle dit, finalement, je vais changer, je vais prendre une queue de bœuf. Alors le mec, il crie derrière au labo, il dit, bon, enlevez la langue de madame et passez-lui la queue. mais toi, t'es bouché. Ah ouais, bouché. T'es bouché charcutier, toi. Ah bah oui, ouais. Ça va colliquer des vannes. On t'a reconnu, on t'a démasqué. On reconnaît directement le style de vanne. Est-ce que tu peux nous envoyer de la tête de porc pour Toff? La tête de porc, ça serait plutôt la tête de veau. Bah Toff, il aime la tête de porc. Ou alors un pied de porc. Un pied de porc, un bon pied de porc vinaigrette. Ah c'est délicieux ça. Ah mais évidemment. Oh quelle horreur, quelle horreur. Bon, encore une vanne, allez. Une petite vanne bien fraîche. Soyons fous. Quel est le point commun entre une femme et une pantoufle? Oh, c'est la chaleur peut-être. Non, plus on la met, plus elle pue. Non. Ça, j'aime bien ça. Dégueulasse. Dédicace à l'SB Freak. Non, bien je plaisante. Allez, je vous en fais une petite dernière, c'est cadeau. Quelle différence y a-t-il entre une prostituée et une panthère? Je sais pas. Bah, vous avez déjà vu une panthère avec un string en peau de prostituée? Oh, c'est naze. C'est nul. C'est nul. Et il y a la petite fée qui dit filmer Toff en train de faire cristal. On fera peut-être ça. Non, on va garder dans il vaut mieux garder l'imagination. Et parce que nous on le vit. Donc Polo l'a vécu surtout puisqu'il est en face de lui. Ouais, c'est une horreur. Et il a failli vomir. Donc j'ai pas envie de vous faire vomir parce que là vous me connaissez pas, donc vous dites je veux voir, mais il vaut mieux pas. Sincèrement, faites-moi confiance la petite fée. Fais-moi confiance la petite fée. Bon, et Denis qui dit super soirée avec vous. Ben, on s'est bien marré avec vous également, avec Jared et tout, c'était cool ce soir. La petite fée qui dit Polo amoureux de Jared. Non, mais c'est juste pour le style. Ah! Quoi, tu te taperais Jared? Écoute, je suis pas pour, mais il y a deux mecs au monde que je me taperais, c'est Brad Pitt. Si j'avais pas le choix, et Jared. Et Jared et toi? Ah bah oui. En même temps, ils ont fait un film ensemble, donc tu vois, tu aurais pu t'immiscer, t'insérer, pénétrer dans le double film. Direct. Pourquoi pas? Bon, ben merci Philippe pour la vanne. Hein. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Bon, écoute, je voulais te dire aussi que au Standard, elle est super sympa et vous êtes tous super sympas. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Allez, bisous. Salut à toi, Philippe, à bientôt. Salut. Ciao, à bientôt, bye bye. Ciao. Salut. Bon, il y a Momo avec nous. On va faire aussi dans quelques minutes le Polo against the rest of the world. Polo contre le reste du monde. Et ça, c'est aussi Tre Tre Fucking Hoof. Ah, yeah. Oui. Non, mais ouais. Ah bah ouais, évidemment. Et donc du coup, si vous voulez participer à cette grande émission où vous êtes les maîtres à bord, hein, c'est vous qui gérez, c'est vous qui comment vous dire, vous appelez Polo, il répond à vos questions, vous pouvez vous confier, il vous écoutera avec une oreille attentive. Ouais, très attentive. Je vais vous aider. Trop attentive. Peut-être. C'est même l'homme le plus à l'écoute du monde. C'est quand même. Je suis quand même un des mecs qui s'énerve le moins au monde. Ah, bah exactement. Je suis quand même le type. Mais oui, évidemment. C'est, la patience même. Mais c'est plus que la patience là. Quoi, t'as déjà vu m'énerver? Mais jamais. Ah, bah voilà. Ouais, attends. Je ne me souviens même pas de quand c'est arrivé. Au-delà de la patience même, oui. C'est clair. Bon, Momo, on va parler de quoi avec toi? Oh là là, ça gueule là. Oh là là, Momo. Oh, on n'entend rien. Bon, Momo. T'es sur un bateau? On va le prendre demain, Momo, parce que là, il y a un bruit autour, là, c'est d'une violence. Il y a Sarah Svati qui dit « Un geek ne s'ennuie pas, il se fait chier ». Ok, je sors. Oh là oui, là tu là peux, Sarah Svati. Secret Key qui dit « Ah bah oui, on veut bien la reprise. La reprise, c'est la question de tout à l'heure, là, qui... Attends, c'est quoi? La question ne se pose même pas, pardon. Let's Be Freaks, il dit « Oui, je veux bien entendre la reprise de Lady Gaga by Jared Leto ». Jojo qui dit « Ah oui, remets la reprise de Jared qui chante Lady Gaga ». Hurricane qui dit « Ouais, du Made You 30 Seconds to Mars en musique, ce sera très très fucking ouf ». Et Calici aussi « Putain, Bad Romance, Mickaël, pitié oui, merci Mickaël », qui dit aussi « Toujours aussi accro ». Moi, ma blague, c'est « Tu connais l'histoire de la feuille de papier ?» Non, elle déchire. Bon, on va dans quelques minutes donc se faire Polo Against the Rest of the World, yeah, with the French accent. Yes, of course. Oui, voilà. Because I'm French. Et donc Polo contre le reste du monde. Et puis vous avez été nombreux à le demander là. Bah justement, voici pour ceux qui ne connaissent pas Jared Leto, qui est donc un acteur, évidemment, oui, qui bref est aussi un chanteur et qui un jour s'est amusé à reprendre la chanson de Lady Gaga avec Bad Romance. Alors j'imagine que tout le monde connaît la version originale de cette chanson de Lady Gaga. D'ailleurs, j'ai mis une photo d'elle, de Lady Gaga, qui était à New York en petite tenue. Elle se baladait en rue, elle trouvait ça bien, alors qu'il fait moins 150 000 degrés là-bas. Mais non, elle trouvait ça bien. Bah oui, elle a aimé. Bah écoute, je pense également. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la version originale, c'est ça. Hein. Voilà, ça c'est la version Lady Gaga et je vous propose en exclu, enfin c'est même pas en exclu, hein, mais bon, je vous propose de l'écouter sur Fun Radio. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter ça sur Fun, mais c'est pas grave, on se fait une petite entorse là maintenant. Le son de 30 Seconds to Mars maintenant, Jared Leto qu'on a reçu tout à l'heure, le Facebook, vous pouvez aller le voir avec la vidéo où il commande sa pizza en direct dans l'émission, facebook.com/mikaelofficiel, c'est Bad Romance. Attention, il pourrait y avoir un orgasme peut-être pour Jean-François. Ah oui. Ou pour d'autres, je sais pas. Bon, écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas, donnez-moi votre avis juste après. On en parle. Hashtag et Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook de l'émission. Écoutez et savourez. Oh, oh, oh, oh. J'espère que vous l'avez kiffé autant que nous. 30 Seconds to Mars, donc de Jared Leto, qu'on a reçu tout à l'heure, qui a repris Bad Romance de Lady Gaga. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de l'écouter sur Fun. On a fait une petite parenthèse. Voilà, il y a Calici aussi qui dit merci pour le Bad Romance, Mickaël. Et l'orgasme sera pour tous ceux qui écoutent. Eh ben écoute, tant mieux, j'espère. En tout cas, Julien qui dit grave stylé la reprise. Il y a Megumi qui dit merde, Mickaël, j'ai fait plein de bonnes blagues de merde et tu me lis pas. C'est quoi ce fucking hoof? Grave stylé, c'est quoi ce fucking hoof problème? Ah bah Megumi, beaucoup de gens, si tu veux. Fred S34 qui dit pas mal, même excellent la version de Jared. Fabienne qui dit elle est très très bonne cette reprise. It's not a bad romance. La petite fée qui dit la reprise est meilleure que la VO. D'ailleurs j'écoute souvent la reprise. Bah meilleure je sais pas, mais en tout cas elle est différente. Elle apporte quelque chose pour une reprise. C'est ça qui est bien. Vous avez été nombreux là à réagir dessus là, sur le Facebook, là, le Twitter également avec le hashtag et Mickaël. Super son, stylé la reprise, là, faudra la remettre. Oui bah l'occasion, on vous demandera à JB la nuit, il adorait. Il y a Malory qui dit c'est un orgasme musical la reprise, un truc de ouf. Merci pour cette écoute Mickaël et toute l'équipe. Comment aller dormir maintenant avec cette soirée inoubliable? Jared plus JF plus musique, waouh, hâte d'être à demain, vive Fun, bonne nuit, bisous, tout mouillé de la Normandie. Bah, gros bisous à toi Malory en Normandie. Space comme version mais sympa, c'est Eric qui l'avait envoyé le message là. Et Johan qui dit franchement énorme cette reprise, j'adore. Bon bah visiblement ça a plu à l'unanimité, tant mieux. Merci en tout cas à vous d'ailleurs. Marine qui dit exceptionnelle cette reprise, rien d'étonnant venant blanc de 30 Seconds to Mars. Bon voilà, message passé en tout cas. Merci beaucoup d'avoir d'avoir été là. Bon, on va appeler le gagnant ou la gagnante là pour les t-shirts comme un air de rock. J'en avais offert tout à l'heure à Jared Leto pour tout le groupe. Et puis bah il y en a aussi à gagner tous les soirs sur le Facebook. Alors hier évidemment on a foiré dans le numéro, ça a pas fonctionné, donc on appelle quelqu'un maintenant en direct. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche, tout simplement décroche, et bien elle repart avec le t-shirt comme un air de rock qui est donc sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Il y en a plein, vous allez pouvoir le choisir, ça va être la folie totale. Allez. Bah faut que ça décroche évidemment. Sinon on devra en offrir 3 demain. Ah oui, ça commence à faire beaucoup. Ah bah ça commence à faire beaucoup, oui. Ah oui, c'est un répondeur. Ah bah non. Allô ? Oui. Bonjour, comment tu t'appelles ? Aurélie. Salut Aurélie, je te réveille ? Non, du tout, j'étais en train d'écouter la radio. Ah dis donc, t'as mis du temps pour arriver au téléphone. T'es sûr que je te réveillais pas ? C'est pas grave, hein ? Non, non, c'est parce que je descendais. Ah, ok. C'était pour pas réveiller la famille ? Ouais. Aurélie, tu veux un beau t-shirt comme un air de rock ? Ah ouais. Ah ouais, tu t'es inscrit sur le Facebook, et ben on va te le filer, y a pas de problème. Tu préfères lequel si tu les as encore en tête ? Le Mickey. Le Mickey, Mickey en mode tête de mort, il déchire celui-là, je l'adore, j'en ai un aussi, ouais. D'ailleurs je l'ai mis sur la photo. Il déchire, bah on va t'envoyer celui-là avec grand plaisir. Aurélie, c'est ça, excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Oui. Aurélie, bah voilà, pas de problème. Je te renvoie chez Sandro Standard et je te fais plein de bisous, Aurélie. Ok, bisous, merci. Ciao Aurélie, à bientôt. Et puis oublie pas de prévenir évidemment tes potes qu'il se passe enfin quelque chose à la radio le soir. Avant de faire le polo contre le reste du monde, on est un peu à la bourre, on va faire les appels de Toff. Ah oui, bah oui. Bah les derniers, hein, surtout pour savoir si les gens, bah si les filles préfèrent les grosses ou les petites bites, quoi. Exactement. Bon, on y va, c'est parti, on appelle. Allons-y, moi je suis prêt. Bah merci aux auditeurs. Je suis en train de mourir, qui ont envoyé les numéros de téléphone là sur le mail de Toff, comme d'hab. Allez, c'est parti. Allô ? Allô ? Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir ce que votre femme pensait des grosses bites. Pardon ? Non, je voulais savoir ce que votre femme pensait des grosses bites, monsieur. Et ta mère, elle pense quoi de ma bite ? Ben, j'en sais rien, monsieur. C'est pas la question que je vous pose. Non, c'est quoi ta question ? Ben, c'est de savoir ce que votre femme pense des grosses bites. Mais ta mère, elle a quoi, une grosse bite ? Ben non, ma mère n'a pas de bite, monsieur, enfin. Non ? Non, bah non. C'est la mienne, alors. M'en dire, elle va te répondre. Bah d'accord, mais en fait moi je voulais savoir ce que votre femme en pensait, monsieur. Bah moi ma femme ça vous regarde pas, vous emmerde ma femme. Bah non. Au moment où je suis satisfait, voilà, il n'y a pas d'autres soucis, enfin voilà. Oui mais c'est pas la question que je vous pose, monsieur. En fait moi je vous demande ce qu'elle pense des grosses bites. Bah écoute, moi j'ai pas le temps de parler, moi, ma femme c'est satisfait, alors ferme ta gueule maintenant, gros bâtard. Oui mais je lui demande pas si elle est satisfaite, monsieur, je lui demande ce qu'elle en pense, qui n'est pas du tout pas. Ah oui, pas du tout pareil, mais ça n'a pas empêché de raccrocher. On va donc le rappeler. Quel mal élevé. Bah oui, complètement, ouais. Allez hop, c'est parti, on y va, on rappelle maintenant. Et déjà, pourquoi t'appelles en masqué ? T'as peur ou quoi ? Non, c'est parce qu'en fait, c'est bloqué, monsieur. Mais si ouais, vous voulez... c'est bloqué et ta mère, elle est bloquée ? Je sais pas, monsieur, faudrait lui demander. Ouais, bah passe-moi là, ta mère, je vais lui demander. Bah, je peux pas parce qu'elle est pas là, enfin, on est pas au même endroit en ce moment. Ouais, ouais. Voilà. Mais non, enfin, moi... en vrai, j'ai pas de temps à parler avec toi, de toute façon, tu sers à rien. Tu parles, tu dis de la merde, alors maintenant, ferme ta gueule, d'accord ? Mais non, mais non, pas avec un gars inconnu. Mais allez, pas... me casse pas les couilles. Mais attendez, monsieur. Allô ? Oh, il est relou, là. On le rappelle. Bon, c'est vrai qu'il est un peu tard, tu me diras. Appeler à 2h04 chez les gens, bon. Oui, enfin bon. Bon, 3h, je comprends. Écoute, mais j'ai rien que ça à foutre. Mais j'ai du boulot à faire. On va rien me casser les couilles depuis 4h du matin, mais je travaille, ça va ? Mais je veux pas vous faire chier, monsieur. Je voulais juste avoir une réponse. Numéro, je vais trapper, moi. Je vais trapper au lieu de me casser les couilles, là. Le gars, le numéro bloqué. Moi, tu sais, je vais taper en bloqué. Bah oui, mais si vous voulez, mais maintenant qu'on est au téléphone, vous pouvez me répondre, monsieur. Ah ouais, moi des appels en inconnu, donne-moi ton adresse, moi je vais venir, je vais te niquer ta mère, moi. Bien sûr. Toi, ta mère et ta grand-mère, tu vois. Bien sûr, monsieur, alors je suis 20 rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Ouais. Voilà, et c'est à Paris, dans le 8ème, c'est près des Champs-Élysées. D'accord. Bah ça tombe bien, je dois y aller le week-end prochain, donc je pourrais venir prévenir ta mère, parce qu'il va y avoir une grosse chatte en s'entendant. Hein. D'accord, mais y a pas de problème, voilà. Moi je vous attends, monsieur. Voilà, bah à la semaine prochaine, rien de me casser. D'accord, mais en attendant, vous voulez pas répondre à ma. Oh merde, bon, oh là la là. Semaine prochaine, mais bon, on va quand même le rappeler encore maintenant, il a pas répondu à la question. Bah oui. Bon, on y va. En plus, il a dit qu'il bossait ce soir, donc c'est bon, on peut le rappeler. Il est 2h, il est pas tard pour lui. Et donne-moi ton numéro, là, je vais appeler les flics, moi ça va être difficile. Oui. Alors c'est 01. Ouais, 01. 42. 48. 48. 50. 50. 00. D'accord, ça marche. Voilà. Mais non, mais vous voulez pas répondre à ma question, monsieur, avant, parce que après, vous aurez plus le temps, quoi. À quelle question ? Tu me fais chier avec ma grosse bite. Ouais, j'ai une grosse bite, et alors ? Non, c'est parce que je vous demande, je vous demande ce que votre femme, elle en pense. Bah, elle en pense du bien, t'inquiète pas, t'inquiète pas. D'accord, donc elle aime ça. Ouais, comme ta mère, elle doit bien aimer. Mais ta mère préfère que je lui mette dans le cul que dans la chatte. Alors, au moins, c'est l'avantage de tous les deux, parce que moi, je préfère le cul que la chatte. Ah oui, d'accord, très bien. Voilà, voilà. Bah, c'est... Donc, préviens ta mère, et je viens la semaine prochaine, et là, je finis ma réunion, je te rappelle d'ici une demi-heure, ça va? Parce qu'il y en a qui travaillent, ok? D'accord, et eh ben très bien. Donc je, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, on se rappelle. À tout à l'heure, ouais, ça marche. Oh, le mec il a une réunion à 2h du matin, il est un mec de, tiens, un mec qui fait la surveillance. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est possible la réunion. Ouais, ou alors il a zéro réunion et c'est juste foutu de ma gueule. Ça c'est possible aussi, effectivement. Bon, allez, on va se faire Polo Against the Rest of the World. C'est le moment, c'est l'instant, mesdames et messieurs, c'est parti. Et en plus, bonne nouvelle pour Polo, je lui ai prévu une petite surprise, je peux le dire. Hein. J'avais demandé à Jared Leto de lui faire son premier jingle. Oh, c'est chou. Ouais, oui. Bon, il faudra qu'il soit monté aussi, hein, donc on a un petit peu de temps devant nous. Mais et je suis bien monté. Oui, non, je te parlais pas, enfin bref. Bon, allez, Polo contre le reste du monde, c'est parti maintenant pour les 5 minutes d'émission Confession. On y va, bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio, on commence tout de suite avec Kevin. Kevin, bienvenue. Merci, bonsoir, j'ai une question. Pourquoi les femmes malaxent-elles les couilles? J'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Cristal, le retour. Oui, Polo. Oui, Cristal. Oui, est-ce que tu peux me faire jouer au téléphone? Ça, je sais pas faire. Ah bon? Non, je sais pas faire, Cristal. Vanessa, dans Polo contre le reste du monde, sur Fun Radio, je t'écoute. Ouais, bah moi, je suis dégoûtée, Jean-François, il veut pas de moi. Ah, mais moi, je veux de toi, Vanessa, c'est la tatouée, mais là. Pourquoi tu m'invites pas? Bah oui. Bah, envoie-moi une photo, là, polo@funradio.fr, vite. Mais attends, c'est ton mail. Oui, bah oui, non, c'est le tien. polo@funradio.fr. Tu m'envoies une photo nue si possible, mais si habillé, je prends aussi, d'accord? D'accord. Attends, je te reste là. Jean. Allô? Ouais, bienvenue dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Comment va Polo? Il va bien. Il va bien. Ouais. Enfin, il est un peu blessé avec les JO, là j'ai failli me péter la main deux fois, mais ça va. Ouais, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, ouais, dans les escaliers. Eh, dis-moi, tu te crois au café du coin, c'est ça? On va boire un café, non, on va discuter. Et on va parler du PMU? Non, pas du tout. Ah d'accord, non. Attends Jean. Anthony, retour. Bon, tu es viré. Hein? Tu es viré. Ah, regarde, par contre, moi je peux. Fini. Ouais, moi je peux te virer, regarde. Hop, tu n'es plus dans le standard. Allez, fous le camp. JB. Oui, Polo. Salut JB. Oui, je cherche une fille là, je suis chaud comme la braise. Mais t'es JB de... J'ai envie de déforoyer de la chatte. Mais t'es JB? Oui, je suis JB, oui. JB, le JB. Ben oui, le JB. 2h-6h sur Fun Radio. Exactement. Ah d'accord, attends JB. Kevin, le retour. J'aimerais prendre Cristal en levrette. D'accord, allez là. Cristal, il y a Kevin, allez-y. Oui, allô. Cristal, oui. Je peux te prendre en levrette. Oh oui. Vas-y, continue. Vas-y. Oh oui, défenestre-moi la chatte. Oh oui, Cristal, t'es énorme. Oh, bon, ça suffit. Vanessa, le retour. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Attends, je t'envoie une photo. Vas-y, envoie-moi ça, que je regarde un peu ta tête là. T'as intérêt à être belle, hein. Bah oui, t'inquiète. Bon, vas-y, je t'attends. Vas-y, Vanessa. Là, je suis tout. Je suis bouillant, je bouillonne. Jean, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est, j'aime bien. Je suis bouillant, je bouillonne. C'est sûr. Non, ouais, bah, j'aurais voulu faire les jeux de saute-chi avec vous. Mais Jean, tu crois quoi? On est des professionnels, mec. Ouais, mais éventuellement, un petit peu de boxe-leg ou... Non, ça ira. JB, le retour. Oui. Allez, je t'écoute. Voilà, j'aimerais bien, en fait, mon fantasme le plus improbable que je n'ai jamais dit. Ouais. J'aimerais bien me faire enculer sur du Magic System. Je voulais savoir si je pouvais trouver quelqu'un qui pourrait réaliser ce fantasme. Voilà, pendant que ça fait du boulot. Attends, j'y vais, j'arrive. Kevin, le retour. Il est fou, lui, il est fou. Bon. Dédicace à Damien Gagnère. Ok, allez, salut Kevin. Cristal, le retour. Oui, Polo, je suis déçu, tu veux pas une photo de moi? Tu veux pas que t'envoies une photo de moi nu? Non. Si, envoie-la à jb@funradio.fr. Jean, le retour. Ouais, dédicace à Marianne de Montalouré. Ok, super. Vanessa, ma belle. Ouais, je te l'ai envoyé. Ok, j'arrive. Ouais, bah attends, je vais voir. Attends deux secondes. JB, le retour. Oui, j'aimerais également me faire des sensations sur les pieds. Sur quoi? Avec en même temps du Magic System, et ça pourrait être énorme. Donc je cherche quelqu'un qui a le même fantasme que moi. Attends, mais elle est magnifique. Oui. Attends, je reviens. Oui, hein. Vanessa? Oui. Mais magnifique chevelure. Merci. Ils sont où les tatouages là? Ils sont cachés, attends, je te les envoie. Ok, avec plaisir. Je fais mon shopping. Jean? Ouais, bah bonne soirée à vous, et puis je vous kiffe. Ok, nous aussi, casse-toi. JB? Oui, est-ce que tu m'as trouvé quelqu'un? Attends, Gérard. Gérard? Ah, non, Gérard? Gérard? Bon, il est pas là. JB, j'ai trouvé personne. Oh non, mais comment c'est possible? Je pensais que c'était le fantasme numéro 1 de tout le monde, c'était enculé sur Magic System. Demain, JB, d'accord? Bon, d'accord, je reviens demain. Ok, je t'embrasse. Salut ma gueule. Allez, salut ma gueule. Vanessa. Oui. C'est envoyé. Attends. Qu'est-ce que t'es belle, Vanessa. Mais attends, je les cherche, les photos, là. Bon, tu me les envoies et on se revoit demain. On se contacte. Ça va. Ok. Ouais. Je t'embrasse sur tout le corps, je te lèche. C'est vrai. Attends, je te l'envoie, là, ça y est. Je te lèche partout. Au revoir, Vanessa. Je t'en envoie une dans mon bain, là. Oh, avec plaisir. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut, Choubidou. Cristal, vous savez comment je change quand c'est une jolie fille? Mais oui, je comprends pas parce que en fait, moi je peux t'envoyer des photos dans mon bain. Non, garde-les. Garde-les. En fait, t'es un boudin. Eh, hey, Cristal. Tu veux pas qu'on se recontacte demain? Ouais, d'accord, on fait comme ça. Au revoir, Cristal. À demain. Allez, dégage. Ainsi se termine Polo contre le reste du monde. Vous êtes toujours sur Fun Radio, Mickaël. Oui. Tout à fait, exactement. Par contre, je suis choqué par JB. Oui, bah oui, oui, oui, je comprends pas, je comprends pas. C'est assez bizarre, effectivement. Enfin, soit, qu'est-ce que vous voulez. Donc, Polo qui est tombé de sa chaise, donc ça c'est parfait, hein. Déjà qu'il n'arrive pas à tenir sur une planche, maintenant il n'arrive même plus à tenir sur ses pieds. C'est parfait. Mais attends, c'est parfait. J'ai failli me tuer sur la table. Ça aurait été qu'une mort de merde quand même, hein. Mais à l'antenne. Et c'est le principal. Je veux mourir sur scène. Mais tu as raison, tu as raison. Attends. Bon, top tweetos également, là, que nous allons faire maintenant. Quel est le gagnant? C'est le numéro 4, je le rappelle. Le numéro 4 donc des auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. On y va, quel est le numéro 1? Allô, numéro 1, Let's Be Freaks. Numéro 2, Cédric. Numéro 3, Secret Key. Numéro 5, Fred S. Et enfin le gagnant ou gagnante, si toutefois il ou elle n'a pas encore gagné, bien sûr, numéro 4, c'est Adeline. Qui a gagné ou pas? Je crois qu'on lui aura jamais rien offert. Voilà, donc Adeline, méfie-toi, puisqu'il a dit tout à l'heure que tu avais l'air charmant, donc s'il t'envoie un message charmant pour te demander tes coordonnées, n'importe quoi, surtout tu ne réponds pas, tu ne réponds qu'à Sandro. Voilà. Voilà. Si... Je ne demanderai rien. Elle est agréée. Ouais. Sandro est la seule personne agréée à te demander des renseignements. Moi. Voilà. Et moi, nous sommes deux agréés, mais voilà. Surtout Patoff. Lui, il a été désagréé il y a longtemps. Il a été désagréable. Il y a très longtemps. Mais alors, bon. Évite Polo et Toff. Voilà. Ce sont de gros porcs et des pervers. Mais oui, bah complètement. Ah, ouais. Totalement, totalement, totalement. D'ailleurs, tu m'as pas montré Vanessa? Oui, c'est attends, vrai, je te montre ça. Tu sais, le mec qui veut garder le truc pour lui. Mais elle a pas mis de photos super sexy, hein. Elle est pas mal. Elle est bien même d'ailleurs. Bah, est-ce qu'elle est mieux ou elle est moins bien que la photo de la petite fée qu'on a reçue ce week-end là, en mode tatouage? Bah elle est. Elle a pas beaucoup de tatouages en fait. Elle a pas beaucoup de... Ah oui non, effectivement, elle a pas de tatouage. Bah non, elle en tout cas, si, on voit rien. Ça. C'est un peu petit. Hein. Ah oui, un petit papillon, ah oui, là. Butterfly. Par contre, elle tient parole. Et ça, c'est et appréciable. Ça, c'est beau. Bravo. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Bon, allez, hop, on y va. C'est parti maintenant pour le générique de fin. Allez. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu bouffes des bites, taf te sucer, toi, l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui occupe comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi, le JB. Tu vas te faire enculer sur des Magic System. Tu veux dormir, bien manger, car t'as vu te faire enculer sur le Magic System. Bah alors, c'est JB qui passe nu? Ou tu préfères qu'il ne vait? Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est JB, il est nu, il se fait enculer. Quel cauchemar! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'offres te sucer, toi l'enculé. T'es un enculé. Ça te fait enculer. Et toi t'as un oncle, c'est un enculé. Eh oui, bite. Voilà. Allez, allez, allez, JB, il se met bien là. Bon allez, stop. Faut pas un point trop d'infos, évidemment. Bon, merci d'avoir été là ce soir. En tout cas, on s'est bien marré avec l'avenue de Jared Leto, avec notre ami Jean-François, qu'on aura l'occasion, non, évidemment, de récupérer. Bah, qu'on va récupérer demain, bien sûr, à partir de 23h. Donc soyez bien là. Gros bisous, merci d'avoir été aussi nombreux sur le Facebook et le Twitter de l'émission. On revient bien sûr demain, donc dès 23h sur Fun Radio. Ciao. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirez. Oh, Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Allez. Oh, di premier gaou, n'est pas gaou. Oh, yeah, c'est deuxième gaou qui est Nantayo. J'ai dit chérie. Tu remets chérie Coco, s'il te plaît. Putain, tu veux pas qu'on le mette? Mais t'es ouf. Allez. Mais non, c'est pas putain, dans la prog. Franchement, mais... On t'a pas dit ça. Voilà, la base. La base. La base. Magic System avec la biologie. Moi, tu mets bien la danse des magiciens. Cherche. Ouais, chaud. On va faire le show. Oh là là. Et toujours la fin de la. Ouais. Et tu t'en lâches pas. Oh là là. Vas-y, JP. Allez. Allez, JP. Ils ont sorti un nouveau single. Ah, génial. Bon. Allez, JP. Ah, attends, s'il n'y a pas de parole là encore. Ah oui, pardon. Bah, un peu pour improviser. Je suis JP dans la nuit. Avec ma Magic System. Salut, salut. Tu sais que. Pourquoi Magic System. Allez, JP. Allez, JP. Je suis ta danseuse. Ah putain, mais quel kiff ce son. Tu prends le mur en entier. Mais t'es ouf. Allez. T'es pas dans la prog. Bah si, allez. Ah. Bon, fou. L'ambiance. Oh là là. Allez, Magic System. Ça c'est le son qu'on aime. Partout c'est la même. Bon, ils ont, on a rien fait de mieux depuis, je crois. Et Dieu sait que ça date. Oh là là. Eh. C'est ça. Ah, la danse des magiciens, ça c'est. Est-ce que c'est possible? Attends, j'ai pire là. Enfin pire, après c'est une question de goût évidemment. Ambiance à l'africaine mais. Oh, je connais pas ça. Non. Ah non, je connais pas. Non, je me le dis, je connais pas. On va s'amuser. Non mais non. Ah t'aimes pas. Non, il est pas connu, c'est pas un des gros tubes de bah, Magic System. Ouais, il est là. Ah oui, bah ça oui. Gentleman. Ryan B fait partout évidemment. Énorme. Il y en a 100 000 hein, c'est big un truc. Oh là là, bah, c'est un premier gaou ça. Ça c'est sympa ça. Bah oui. Enfin je suis pas fan mais. On peut pas avoir un premier gaou un bout. Celui-là d'avant là. Ouais. Eh, t'as 7 secondes d'intro. Oui. Bah oui, JB. Là. Là parce que je pense qu'il y a un moment ça va faire du mal. Allez mes chéri coco, mes chéri coco. Ouais, mais grave. Hop là, regarde. Ah ça j'adore. Voilà, c'est chéri coco là. D'ailleurs tu connais le nom de famille de Jared Leto. C'est Rost. C'est ce qu'on appelle du sabotage. Calme comme un dos.